Donc j'arrive à Beauvais et puis je lui explique, il me dit qu'est-ce que tu veux, j'y vais, voilà, je voudrais faire un partenariat avec le club, pas de problème, c'est quand? Je ne sais pas, mercredi prochain, tu fais quoi? Rien, entraînement avec les jeunes, et on vient à 20 pros. Parce que éducateur, tu t'oublies un peu, hein. Tu es là pour les autres. Formateur, tu es là pour les autres. Bien sûr, tu es satisfait de ce que t'aimes, mais tu es là pour les autres. Mais c'est ça notre quotidien. Comment tu gères l'échec, la réussite, c'est ça. C'est plus ça que de mener un entraînement. Mais la chose qui, d'après moi, devient plus importante, c'est l'addition de ma perception et de celle du groupe. C'est qu'à un moment donné, si le groupe ne réagit pas quand l'autre sort du cadre, c'est soit que personne n'a compris finalement le cadre, quelqu'un, ça t'interroge quand même sur ta capacité. C'est très intéressant ce que t'entends. Ou soit c'est que finalement, tout le monde l'accepte. Et l'idée, c'était de dire, il y a forcément un des endroits où le gamin se comporte correctement, où il fait preuve de bon comportement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce 25e épisode. L'invité se nomme Luc Hernu. Il a commencé éducateur. Il a créé son emploi au sein d'un club de foot. Il y est resté plusieurs décennies. Il nous partage de nombreuses anecdotes, mais surtout beaucoup d'apprentissages très enrichissants. C'est un plaisir, évidemment, de vous partager ce nouvel épisode. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à l'écouter, sachant que moi, je l'ai évidemment réécouté pour faire le montage. Je vous souhaite une excellente écoute. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours à la suite de ce nouvel épisode. Bonne écoute à tous. Je pense que l'épisode va commencer ici, à mon avis, par expérience, parce que je vais faire le montage et je m'en souviens. Luc, merci de me recevoir chez toi. Bienvenue sur Footballagogie. Je suis ravi de pouvoir échanger. Et ce que j'aime bien dire, c'est que y en a qui écoutent le podcast, il y en a qui découvrent, peut-être grâce à toi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y en a peut-être qui vont écouter cet épisode qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Ok, donc bienvenue Thomas déjà, content de te recevoir et de te revoir. Me présenter, Luc Hernu, 47 ans, sportif depuis toujours, baigné dans le milieu de l'enseignement, donc très vite dans le foot par tes meilleurs d'un voisin, et puis depuis maintenant très longtemps, baigné dans le sport, et puis rapidement dans l'encadrement dans le sport, donc... marié, deux enfants, de métier directeur du club de football à Pont-Sainte-Malsens, et puis une activité de consultant en management, en formation, en accompagnement individuel et collectif. Voilà, une sœur, quoi dire de plus sur moi, passionné de sport, je l'ai déjà dit, passionné de l'humain, c'est-à-dire comment faire en sorte... que chaque personne puisse tirer la quintessence de son potentiel, soit capable d'avoir suffisamment de confiance en elle pour exprimer son potentiel, passionné par le fait de trouver des solutions à des blocages, à des problématiques, quelles qu'elles soient. Voilà un petit peu ce qui guide mon quotidien dans plusieurs domaines, que ce soit sportif, administratif ou autre. Ok, bon. Ceux qui écoutent, ils savent, ils commencent à savoir que lorsque j'échange comme celui-ci et qu'il y a une présentation extrêmement exhaustive comme la tienne, ils ont peut-être l'habitude de se dire je sais pas par où on va commencer. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a énormément de choses à dire. La première chose qui me vient à l'esprit, tu l'as dit, tu as été intronisé dans le foot par un copain, et ça tombe bien parce que ça fait du lien avec la deuxième question que généralement je pose sur les épisodes, c'est un peu, est-ce que tu saurais me dire, Luc, justement ton rapport au foot, surtout en termes de posture d'éducateur, après qui va t'amener à d'autres statuts, à notre posture, mais comment ça a un peu commencé? Alors ça a un peu commencé, j'ai démarré le foot à Nogent-sur-Oise, là où habitent toujours mes parents, parce que notre voisin était secrétaire du club, les enfants étaient joueurs, et puis certains, le plus vieux éducateur. Donc naturellement, je suis allé jouer au foot en face, ou un peu plus loin. Et puis, bah, c'est comme ça arrive souvent, en tous les cas pour moi ça a été le cas. Alors la part du côté génétique, on va dire, puisque ma mère est enseignante, je ne sais pas, mais en tous les cas, je pense que l'impact de mes premiers éducateurs, notamment mon premier, Christian Loquet, à qui je dis régulièrement que c'est certainement grâce à lui que j'ai fait ce métier-là, m'a donné envie, parce que c'était vraisemblablement, avec du recul, quelqu'un qui était très proche des gens. J'étais vraiment poussin, les poussins. Donc les poussins, je devais avoir 9-10 ans, quoi, dans ces eaux-là. Et qui était très sur l'humain, très sur la relation avec les enfants, quoi. Pas forcément compète, même si, voilà, on jouait pour gagner, c'était pas un souci, mais voilà. C'est ce qui me reste de quelqu'un très, très avenant, très rieur, très... très chambreur, très, il est toujours. Et ça, je pense que ça m'a amené à commencer, aussi parce que mon voisin était éducateur, le plus vieux, Philippe. Et puis après, bah, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à m'encadrer, j'avais 13 ans. Voilà, maintenant j'en ai 47, donc ça commence à remonter. Et puis voilà, nos gens m'ont fait confiance, j'ai commencé à prendre des équipes, rapidement des équipes à 11, assez jeunes. Voilà, pour répondre à ta question, comment ça a démarré, c'est ça. Christian Loquet qui m'a donné le premier loup. Non, Christian répond, Loquet, c'était pas mon voisin, c'était mon éducateur. Mon voisin, c'était Philippe Blondet, la famille Blondet. D'accord. Roger Blondet était secrétaire, malheureusement décédé. Avec son épouse Marie, qui était aussi au club. Et puis les frangins, Philippe qui est le plus vieux, Thierry Blondet et Sylvain Blondet. Voilà, trois frères qui jouaient au foot. Et avec qui on tapait la balle très souvent. Sur le parking. Merci Luc. J'aime bien en gros faire la présentation et là où un peu l'histoire a commencé, parce que c'est probablement ce qui unit un peu les liens que j'ai avec les différents intervenants sur le podcast. C'est un peu la passion, l'attrait pour le football, et autour de ça, bah, qu'est-ce qui se passe. Et ce qui va dénoter un peu de différents, enfin par rapport aux autres épisodes, c'est que dans ton cas, il n'y a pas forcément eu de voyage, en tout cas dans ta présentation, c'est pas le cas. Et ce qui est drôle dans mon parcours un peu, c'est que maintenant que je me suis un peu expatrié dans différents pays, bah, revenir en France, entre guillemets, c'est une sorte de voyage pour moi. Et je sais qu'il y a, par exemple, j'ai échangé avec des personnes qui habitent en Suisse, j'ai échangé grâce au podcast à des personnes qui habitent au Canada, qui parlent français, qui s'expriment, francophones. Bah, pour eux, c'est une sorte de voyage, de pouvoir en écouter des personnes qui sont en France. De là où ils habitent. Ils n'ont pas forcément l'occasion d'échanger tout quotidiennement avec des Français. Et c'est là où je me dis, même si mon parcours est français et on s'est connu que sur la France et tu n'as pas forcément eu l'occasion de voyager, pour certains, c'est un voyage d'être en immersion en France dans notre échange. Et je tenais, c'est pour ça que je ne voulais pas le dire avant qu'on puisse s'enregistrer, c'est que on s'est rencontrés par le biais d'une association sportive, le Sevran FC, où il y a eu un partenariat que j'étais assez éloigné, j'avais pas très grande compréhension de ce qui se passait. Je sais que j'étais présent par curiosité et je sais qu'il se passait quelque chose, et assez rapidement ton profil a attiré ma curiosité et je me suis dit, chez Luc, c'est inspirant, il se passe des trucs. Et ta posture, t'as parlé d'humain, t'as parlé de sortir la quintessence des personnes, t'as parlé de vouloir comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Alors je sais pas s'il y a eu un effet miroir, mais inconsciemment, il y a quelque chose qui a attiré. Il me dit, faut que j'échange avec Luc. Et surtout là où peut-être l'échange s'est renforcé, c'est la formation, grâce à l'association que tu as. Enfin non, en tant qu'entrepreneur, tu as une structure qui s'appelle Oser, et que tu as fait mention dans ta présentation, et que tu parleras très bien mieux que moi. Mais c'est là où justement oser, je n'en dis pas plus parce que tu le dirais mieux que moi si jamais tu es amené à présenter, mais lors de cet échange, lors de cette formation que j'ai faite, pas dans son intégralité, parce que j'ai dû m'envoler pour le Canada, mais malgré ça, je sais que ça a dû se faire sur à peu près un mois et demi dans mon cas, c'était le vendredi je crois. Non, c'était plusieurs jours de la semaine, je dis une bêtise. Eh bien, j'ai énormément appris à tes côtés. Et je me rappelle justement de deux choses. C'est la première fois dans mon parcours où je fais un plan sur plusieurs années. Où fallait justement, où est-ce que tu en es? Quel est ton projet dans une semaine? Quel est ton projet dans un mois? Quel est ton projet dans 5 ans, dans 10 ans? Ça m'avait marqué. Et la deuxième chose, c'était tout ce que tu fais actuellement aura un impact probablement à long terme. Attention à ne pas te faire rattraper par le temps. Donc j'ai beaucoup parlé. Alors que c'est à toi de prendre la parole, mais je voulais remettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui m'amène à vouloir prendre le temps aujourd'hui de te poser des questions? Et d'où, dans mon parcours personnel, la curiosité que je vais avoir aujourd'hui et d'avoir le privilège de te poser des questions par rapport à ton parcours, mais aussi à ma curiosité. Ok. Voilà, les bases sont posées. Et moi, je serais curieux de savoir. Première question, ce serait, tu m'as dit en préambule de cet épisode, la volonté de vouloir comprendre les choses. D'après toi, d'où est-ce que ça vient? Alors, d'où ça vient? Écoute, mes dernières formations en tant qu'apprenant m'ont appris que ça, c'est comme ça. Donc, ça vient de moi, particulièrement. Ça vient pas forcément des autres. Alors, on pourra philosopher sur la génétique ou pas. Je sais que ma mère... aussi une forte propension à vouloir comprendre les choses. D'où ça vient, j'ai compris que c'était dans mes besoins. Mes différentes formations m'ont appris que c'était dans ce qu'on appelle les motivations profondes, donc le besoin de vouloir comprendre les choses pour se mettre en action. Donc j'ai mis des mots, en tous les cas, plutôt un sens sur mon fonctionnement qui a toujours été celui-là, depuis tout le temps. Par cette formation. Voilà d'où ça vient. Voilà, donc ça m'a renforcé dans l'idée que c'était pas anormal, c'est que voilà, on est comme ça. On est comme ça, on est unique. Et c'est pour ça que, quand je disais en introduction, en me présentant, que l'idée c'est de pouvoir faire en sorte que chacun puisse trouver ses propres solutions, tirer son potentiel, c'est qu'on est tous uniques, on est tous différents. Et qu'il faut accepter comme on est, c'est ni bon ni mauvais, on est comme ça. Et l'idée, c'est, plus qu'on est comme ça, tirons le maximum de ce qu'on est, pour ne pas regretter quoi que ce soit. Et j'ai besoin de comprendre, donc je pose des questions, et donc depuis que je sais que c'est normal, je n'hésite plus à poser des questions, parce que c'est normal. Donc voilà, et donc ça, si ça peut aider certaines personnes que j'accompagne lorsqu'ils découvrent qu'ils ont comme motivation profonde la compréhension, et ben voilà, ne te gêne plus, pose des questions, t'en as besoin. Pose-les. Et puis, tu vas arriver à te satisfaire en même temps, tu arriveras à satisfaire d'autres personnes autour qui n'osent pas la poser et pour qui la réponse va aussi aider. Donc, je pose des questions. Peut-être la raison pour laquelle je suis là. Est-ce que tu penses que tu commences à 13 ans à prendre des équipes parce qu'a priori, les personnes qui t'entourent, qui te mettent sur le terrain, sont animées et te transmettent quelque chose qui t'incite à vouloir t'intéresser à cet univers. Très brièvement, parce que ce n'est pas le sujet de cet épisode, mais comment se passent ces premières saisons? À 13 ans, on commence à entraîner. Je t'avouerai que je n'ai pas un souvenir précis, si ce n'est que j'ai... intensément, c'est-à-dire à 100%, j'ai connu deux clubs, Nogent-sur-Oise et Pont-Sainte-Maxence, Pont-Sainte-Maxence où je suis toujours. Nogent, j'y ai passé 10 ans. C'était deux clubs complètement différents. Nogent, beaucoup plus dans la camaraderie, dans le l'aspect festif entre les gens. Pont, c'était aussi, c'est aussi très très social et très dans la relation, mais un peu plus quand je suis arrivé à Pont, et toujours là j'essaie de le maintenir, beaucoup plus pro entre guillemets pro, c'est-à-dire beaucoup plus sérieux dans... alors, c'est pas que nos gens n'étaient pas sérieux, mais l'approche des personnes était plus... comment dire, était plus... ouais, c'était des copains. Avant tout, c'était des copains qui étaient là au club. Voilà, c'était des gens qui s'appréciaient beaucoup. À Pont, c'était, quand je suis arrivé, le club se transformait pour faire en sorte que les éducateurs soient des gens formés, compétents. Donc, c'était pas forcément au départ les copains, c'était des gens qui étaient formés, qui étaient recrutés pour amener une compétence. Et ensuite, créer des relations. Donc, c'était ça, un petit peu la différence. Les souvenirs de nos gens, ouais, c'était ça. C'est ce qui m'a marqué et c'est vraiment la grosse différence que je fais entre les deux clubs. C'est que j'ai fini, j'étais junior à l'époque à Nogent, où les avant-matchs étaient très jovial. Pont, c'était beaucoup plus préparé, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus rigoureux. Voilà, c'est la grosse différence. Mais les souvenirs que j'en ai, c'est des super souvenirs. Des super souvenirs, ouais. Déjà, de laisser à 13 ans quelqu'un prendre une équipe, c'est pas neutre, quand même. Et puis voilà, cette ambiance. Comment tu fais pour... On sait que maintenant, tu es toujours dans ce... Enfin, il y a une grosse continuité. Pourquoi tu n'as jamais lâché moi, je devrais poser la question autrement, mais qu'est-ce qui a animé ta volonté de continuer? Dans le parcours, comme beaucoup de jeunes, là, bon, je voulais être pro. Entraîneur pro. Joueur pro. D'accord. Maintenant à m'interroger en cinquième pour aller au sport études à Chantilly, qui est toujours d'ailleurs à Chantilly. Et puis à l'époque, le sport études c'était très très très sport et pas trop études. Et comme j'étais a priori un bon élève, mon prof principal, Monsieur Legrand à l'époque, m'avait conseillé de plutôt de continuer la scolarité, pas dans le sport études. Donc après, au fur et à mesure, me rendant compte que je pouvais pas non plus, j'avais pas de niveau pour être pro. Et bien, puis en même temps, en parallèle, en étant éducateur, j'ai voulu en faire mon métier. Et puis, j'ai passé mes diplômes. Et puis, en arrivant à Pont-Sainte-Maxence, j'ai connu une personne qui a été, mon père spirituel en tant qu'entraîneur, mes débuts d'éducateur, d'entraîneur en tant que profession, dans un milieu amateur, Dominique Delattre. Que je salue d'ailleurs. Alors, il a un homonyme dans le Nord, c'est mon nom, Dominique Delattre, mais voilà, c'est Dominique Delattre qui est de Cambrai d'origine, qui est maintenant à Romilly-sur-Seine, directeur des sports là-bas, et qui avait qui a apporté chez moi quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus pro, sur tous les niveaux, préparation physique, préparation de l'équipe en général, les causeries où il était très très bon. La structuration du club, c'était un chef de service dans une collectivité, donc tout ce qui est structuration, il était un peu dans ses fonctions aussi. Et puis après, j'ai eu rapidement des responsabilités à Pont, donc entre-temps, des piges dans des clubs pro sur des entraînements de gardien de but, entre autres. Je me suis nourri en allant voir des entraîneurs pro à Amiens, à Beauvais, à Laval, un peu partout. Et puis, voilà, toujours envie de se nourrir et puis de mettre en application. Et puis, arrive un moment, toujours animé et pas par la même chose. Donc, en parallèle, je faisais d'autres formations. J'ai fait en 2012 une formation avec... un ami, Denis Troche, que le foot connaît, que j'ai connu quand il était à Amiens, dans les années 2000. Et puis, j'ai fait sa formation de préparateur mental, coach et manager. Et là où j'avais déjà commencé à orienter un petit peu, déjà depuis 2003, parce que je suis directeur général du club depuis 2003, donc déjà des fonctions plus élargies que l'aspect technique, c'est là où il y a eu un virage un peu plus important. Puisque dans la foulée, j'ai créé mon entreprise, dans la foulée, j'ai développé plein d'autres projets. Mais l'animation, c'est ce qui m'anime, c'est des nouveaux projets, mais qui ont tous du lien, parce que si tu prends c'est toujours le foot au milieu, c'est toujours le sport au milieu, d'autres sports maintenant. Et puis c'est toujours côté relation sociale avec les gens, puis c'est toujours aider les gens avec l'outil football. Donc en fait, ce qui m'anime, c'est ça. Il y a toujours un point commun dans tout ce que je fais, en fait. c'est d'aider les gens à travers le sport ou l'expérience sportive. Sans vouloir l'idée c'est pas de refaire ta jeunesse évidemment à travers ça, parce qu'il va falloir qu'on parle de comment tu t'es un peu, comment t'as évolué et, avant de parler de ce que tu fais actuellement. Est-ce que tu... Enfin, le projet, c'était de devenir joueur de football professionnel, d'accord. Est-ce que tu avais imaginé que ça pourrait se passer comme ça? Comment ça s'est passé? Et puis, OK, joueur de football professionnel, mais une fois que tu te lances dans l'entraînement, je sais pas. OK, t'imagines... Enfin, tu n'avais pas imaginé que ça se passe comme ça. Mais quel... Je sais pas, t'arrives à 18, 19 ans, ton parcours de joueur professionnel, bon... Tu dis que ça va probablement devenir compliqué. C'est quoi tes aspirations? C'est quoi un peu tes rêves à ce moment-là? Et puis, c'est quoi la différence entre ce que tu imaginais et puis ce qui s'est réellement passé? Après, joueur pro, ça n'a pas été tout de suite entraîneur pro. J'ai voulu plutôt m'orienter vers le professorat d'EPS. Et puis, comme j'ai eu le bonheur d'être, après mon bac, surveillant... dans l'établissement scolaire, dans le collège où j'avais été élève, donc j'ai retrouvé mes profs de PS, et j'ai pu voir différemment ce que c'était le métier, et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais faire. Je respecte ce métier, et voilà, ce métier, c'est professeur, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc du coup, en passant mon brevet d'État, éducateur sportif, ça a confirmé par élimination, prof de PS, ça n'allait plus. Que c'est ce que je voulais faire, entraîneur, vulgairement parlant, entraîneur ou éducateur sportif. Et puis ça m'a amené en 97 à informer mon président, à amener mon président à la direction départementale de la jeunesse et des sports à l'époque, pour rencontrer M. Beaufort, que je salue, qui est maintenant en retraite, qui a expliqué à mon président qu'il y avait des subventions pour créer un poste, mon président ne pensait pas. Et puis on a créé un poste en 97, à l'époque c'était 5000 francs. Donc je parle comme un. Mais je suis né dans l'autre siècle, hein. Tout comme toi d'ailleurs. Non, j'imaginais pas. Et puis après, en étant éducateur à temps plein à Pont-Sainte-Maxence, c'est là où je me suis dit je peux peut-être devenir faire un cursus dans mon professionnel de football. Donc j'ai eu un passage. À l'AS Beauvais, qui était à l'époque professionnel, en D2. C'est là où j'ai connu différents entraîneurs, Daniel Zorzetto, Jacques Bonnevet, qui est maintenant entraîneur à Saint-Etienne, avec qui je suis toujours un peu en contact, Aziz Ademi, qui était directeur du centre de formation, et puis plein d'autres, Patrick Rémy, très grand formateur. Je construisais toujours à Pont-Sainte-Maxence mon projet. Une opportunité au Havre, à l'époque, avec Luc Bruder, pour être responsable d'école de foot, que j'ai décliné, puisque j'avais carte blanche à Pont-Sainte-Maxence. Donc ça aurait pu être une opportunité d'entrer dans le monde pro, ça ne s'est pas fait. Et puis j'ai pu mener ce que je voulais à Pont, c'est-à-dire... développer des projets autour des jeunes, faire des partenariats avec des clubs pro, pour satisfaire mes envies, quoi. J'avais carte blanche. Donc, de mon envie de devenir entraîneur pro, eh bien, je me suis rendu compte que je pouvais faire des choses dans le monde amateur qui me satisfaisaient, dans un environnement peut-être un petit peu plus, entre guillemets, sain que ce qu'on pouvait parfois décrire dans le monde professionnel du football. Voilà. Puis après, voilà, il y a eu d'autres... aventures dont on pourra parler, mais non, j'imaginais pas au départ. Et puis après, c'est le quotidien, les rencontres qui font que... C'est la question que j'allais poser, c'est de ce que j'entends et de ce qui m'intéresse beaucoup, au-delà des anecdotes et tout ça, c'est les rencontres. C'est ça qui nous permet d'échanger. C'est de ce que j'entends, apparemment, tu as quand même rencontré pas mal de gens, qui ont pu avoir un impact sur ton parcours. Et justement, cette personne qui dit qu'il y a des fonds pour créer un poste, je n'arrive pas encore à savoir si c'est l'équilibre entre en tant qu'être, j'ai des objectifs, voilà un peu comment faut s'y prendre, Et finalement, il y a des rencontres et des opportunités. Et puis parfois, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je ne sais pas où tu te situes par rapport à ça. Est-ce que tu penses que dans ton parcours, ça a été une accumulation d'objectifs, une accumulation d'opportunités de rencontres, ou finalement c'est un équilibre des deux? Je pense que le passé, le présent et le futur, ça se passera de la même manière, je pense. Il y a des objectifs, des envies en tout cas, des objectifs, une passion qui guide, et puis après il y a des événements qui se passent. Des événements, des micro-chocs psychologiques ou des choses qui te marquent. Il y a des choses qui m'ont marqué. C'est ma rencontre, enfin Christian Loquet au départ, évidemment la famille Blondet, à nos gens, Dominique Delattre et le président Monsieur Reynaldin, qui ont été des personnes importantes pour moi. Daniel Zorzetto, qui fut le premier entraîneur pro avec qui j'ai pu échanger, pas collaborer, mais échanger, qui est venu du jour au lendemain. Un mardi, je crois, à Beauvais, un mardi matin à 9h, si on m'avait dit l'entraînement à 9h30, appelez-le à 9h, je l'appelle à 9h. Et il me dit tout de suite, je ne le connaissais pas, hein, puis lui encore moins, et il me dit, tu fais quoi dans 2 heures? Bah, dans 2 heures, je fais rien, monsieur. Bah, viens. Donc j'arrive à Beauvais, et puis je lui explique, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Bah, j'y vois, je voudrais faire un partenariat avec le club, pas de problème, c'est quand? Je sais pas, mercredi prochain, tu fais quoi? Bah rien, entraînement avec les jeunes, et on vient à 20 pro. Ok. Et on a fait ce qu'on a appelé le déta de foot, ou 10 épreuves sur le terrain, et il est venu avec tous les pros de Beauvais. Voilà, après, Jackie Bonnevet a amené d'autres choses. Et après, il y a plein de personnes importantes, mais Denis Troche fut un personnage, et est un personnage déterminant dans ma carrière, en fait. C'est que, en fait, à l'époque, on crée l'USPON signe un partenariat avec Lens, Racing Club de Lens, qui venait d'être champion de France. 2000 Je ne sais plus les années, mais c'est dans ces eaux-là, quoi. Okay, okay. C'est dans ces eaux-là. Et en fait, grâce à Pierre Foissac, qui était un super recruteur, qui a découvert des pipites à au Havre, hein, Boumson, Dorasso, tous ces périodes-là, puis là, c'est lui qui a découvert Varane, à Lens, tous ces joueurs-là, avec Jean-Claude Tonin, qui est maintenant un Draguignan. Donc on a créé un partenariat, et puis dans le partenariat, c'était Joël Muller, entraîneur, il fallait, l'accord c'était de faire un match amical à Pont. Donc il dit, bah, essaie de trouver une équipe. Et donc, il se trouve qu'à l'époque, j'ai acheté le bouquin DT Foot. Denis Troche, qui faisait ça avec son épouse, qui répertoriait tous les joueurs, les entraîneurs, les arbitres de D1 à la DH, en passant par les îles. Enfin bref, c'était un bouquin très, très riche. Et je l'appelle. Et puis, il me rappelle et on se rencontre. Il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Pareil, comme Zorzetto. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est peut-être la moustache qui faisait ça. C'est de grosses moustaches. On se rencontre au restaurant La Criée à Beauvais. Et puis, il me dit, ouais, je voulais pas te rencontrer. Parce que j'ai vu dans la presse que Pont-Sainte-Maxence signait avec Lens. Pourquoi tu signes pas un truc avec Amiens? Je ne sais pas, c'est la Picardie, hein, c'était pas la France. Mais comme j'aime pas faire comme tout le monde. Je te rencontre et explique-moi pourquoi. Puis après, ça s'est venu comme ça. On a sympathisé. Et puis, on s'est suivi. Je l'ai vu à Laval, à Troyes, un peu partout, quoi. Et là, j'ai fait sa formation. Et derrière, ça s'est enchaîné avec Osé, avec plein de choses. Voilà. Donc, c'était pas écrit, c'est les rencontres. Alors du coup, je t'avouerai, j'ai perdu le fil de ta question. Je suis parti dans mes... On y est. Je réfléchis. Je me dis, mais tu penses que de ta part, c'est... comment on se transforme en personne qui subit un petit peu la vie à une personne qui ose faire des choses? C'est pas pour faire du lien avec ton autre entreprise qu'on va aborder, mais comment on se transforme en personne d'action? Et je sais pas s'il y avait de la timidité chez toi, moi il y en a pendant longtemps, je me sens beaucoup, beaucoup moins plus à l'aise maintenant dans le fait d'oser, Mais comment on se dit, ok, il faut essayer? Je sais pas, est-ce que tu as eu des barrières à un moment donné dans ta... quand tu étais jeune ou plus jeune, et puis à un moment donné tu t'es dit, ok, j'ai plus de barrières, c'est bon, j'y vais, je fonce? Non, il n'y a pas eu de. Alors, je saurais pas l'expliquer. La deuxième motivation après la compréhension, c'est la compétition. Dans mes motivations profondes. C'est besoin de comprendre et après d'agir. Dans un environnement sain. Oui, parce que oui, on pourra expliquer après, mais compétition, le besoin de fédérer des forces pour atteindre des objectifs. On y vient. donc après, non, il n'y a pas eu d'événement particulier. C'est difficile. En fait, j'ai pas renié quoi que ce soit sur le parcours, en fait. J'ai pas forcément renoncé à quoi que ce soit. Pour moi, j'ai réorienté, en fait. Il y a toujours un point commun. C'est le sport et avec du recul, je me rends compte, c'est le sport et le lien avec les autres et le fait d'aider les autres. Parce que éducateur, tu t'oublies un peu, hein. Tu es là pour les autres. Formateur, tu es là pour les autres. Bien sûr, tu es satisfait de ce thème, mais tu es là pour les autres. Consultant, tu es là pour les autres. Ce soir, je vais encadrer une asso, je suis là pour eux. Bien sûr, c'est mon métier, mais je suis là pour eux. Donc, non, je pourrais pas répondre précisément à. Il faudrait peut-être que je m'allonge sur un divan avec un psy, je sais pas, mais en tous les cas, là, comme ça, je pourrais pas te. En tous les cas, il n'y a pas d'événement particulier, non. Ouais, je. D'accord, je le garde en note parce que je veux pas insister sur ce truc-là, mais. Bon, pour faire court quand même, à US Pont Sainte-Maxence, beaucoup de rôles différents. Enfin, beaucoup de. Au sein du même club, une évolution plus ou moins linéaire, ça, je mets un mot pour après on l'interprète comme on veut, mais d'éducateur à entraîneur, à responsable, à dirigeant, directeur, etc. Comment on change de statut au sein du même club ? Alors, tu peux interpréter ma question sous toutes les façons, mais. Puis après, je préciserai, mais je sais pas comment tu veux. Bon, c'est la confiance des gens, en fait. Je pense que c'est la confiance des gens et le travail, et le travail qui donne confiance aux gens, dans les deux sens. Mais je suis arrivé comme éducateur, à l'époque, c'était les moins de 19 ans, et je fêtais tout juste mes 20 ans. Je fêtais mes 20 ans. À Pont-Sainte-Maxence. Ouais, je suis arrivé en 93, je fêtais mes 20 ans le 15 septembre 93. Et donc, on me recrute pour avoir les moins de 19 ans, donc... pour anecdote, je fréquentais les mêmes discothèques, les joueurs que j'entraînais. Ils avaient un an de moins que moi. Pour certains, on s'était rencontrés l'année avant sur le même terrain, en junior. Donc, des fois, je joue en junior, si je jouais plus en senior. Et puis après, voulant Dominique Delattre étant là, je rappelle qu'il était là pour structurer le club, il me tend la main pour être responsable de l'école de foot. Donc ça a été au départ un peu compliqué, il y avait des gens beaucoup plus vieux que moi, mais la confiance, donc j'ai mis des choses en place, dont le partenariat avec Beauvais, donc après, comme les gens voyaient que ça marchait, puis petit à petit, je suis devenu à temps plein, donc j'avais toute la journée pour faire des choses, donc du coup, tu marques des points parce que tu crées des choses. Puis responsable après des jeunes, parce que c'était la continuité, et puis comme j'étais là tout le temps, et puis que j'étais à l'affût de ce que Dominique Delattre pouvait m'apprendre, je suis devenu son adjoint sur l'équipe première, en PH et DH. À 20 ans, 21 ans Non, un petit peu plus tard, adjoint, je devais avoir 24 ans, c'est vrai, 23-24 ans. Et puis après, Dominique est parti, il y avait un entraîneur ou deux entre-temps, puis j'ai appris l'équipe première en 2001. Et donc, entraîneur général du club, j'étais déjà à temps plein, donc j'avais un deuxième collègue avec moi à temps plein, on était deux, Stéphane Alliard, qui est maintenant CTR à la Ligue des Hauts-de-France. Donc on a développé plein de choses avec les écoles, etc. Et puis après, comme on avait envie de développer plein de choses, d'embaucher encore une troisième personne... ça s'est fait et mes responsabilités administratives sont transformées en une fonction de directeur, mais c'est devenu naturellement. Naturellement. Moi j'aime bien toucher à tout. J'aime bien toucher à tout, donc c'est un avantage et des fois un inconvénient parce que Du coup, quand on cherche. C'est comme le joueur qu'on met un peu partout, quoi. C'est bien, à la fois, c'est pas forcément top, parce que ça veut dire qu'il n'est pas excellent à un poste. Pas de bon. Spécialiste. Ouais. Voilà, donc c'est un des sujets que je pense, c'est qu'il ne faut pas que je me spécialise. Mais après, voilà, donc il faut. Encore des objectifs. Voilà, c'est ça. Mais non, mais après, non, c'est venu naturellement. Là, tu dis, notamment responsable école de foot, des gens qui peuvent être un petit peu plus âgés, tu acquiers, tu marques des points, notamment par le fait de faire des choses et que ça fonctionne. Mmh. Donc être dans l'action, mmh. si possible, avec des signes positifs. Mmh. Donc tu as des observables que. Je sais pas, on pourrait les aborder, mais ça peut être un point encore. Mais je veux, avant d'aborder ça, éventuellement, c'est. T'as 20 ans, ils ont 19 ans, t'es responsable, ils sont potentiellement plus âgés que toi, plus expérimentés en tout cas sur, en termes d'ancienneté mmh. sur le terrain. Est-ce que la légitimité, elle s'acquiert de la même façon sur les deux statuts ? Sur l'encadrement des moins de 19 et responsable. Est-ce qu'elle s'obtient ? Et déjà, ben, je pourrais poser. Est-ce qu'elle s'obtient de la même façon et comment on obtient cette légitimité, même si dans un cas de figure, tu as déjà répondu un petit peu. Alors, sur les jeunes, sur les moins de 19, première décision, j'ai arrêté de fréquenter les mêmes discothèques. J'ai arrêté de faire certaines activités où je pouvais croiser ces jours-là. Ce qui, à 20 ans, est compliqué quand même. Et puis naturellement, j'étais souvent été des gens plus vieux de tout temps, mais malgré tout, quand tu fréquentes certains espaces, il n'y a pas que des plus vieux et des plus jeunes. Donc, bon, ça a été un premier point parce que la légitimité elle s'acquiert aussi par une forme d'exemple pour moi. Et donc, si je disais à mes joueurs le samedi soir, il ne faut pas sortir pour être bien le dimanche, bah, je ne me voyais pas être dans la discothèque le samedi soir. Donc, je n'allais plus en discothèque. Le samedi soir, alors que j'y allais souvent avant. Mais c'était le passage à Nogent. Je disais tout à l'heure, à Nogent, c'était complètement différent. À Pont, j'ai compris tout de suite que c'était un cadre différent. Et puis, bah, les premiers jours sont déterminants. Avec des gens qui ont mon âge, peut-être pas la même taille, mais c'est jamais 98 pour ceux qui ne savent pas. Et donc, les premiers jours, première semaine, le premier match, je me souviens, entre Gouvieux. Sur le terrain d'honneur à Pont, première période, mais ça a été une foire, mais avec tout ce que j'exècre dans le sport, des manques de respect envers l'adversaire, des propos, des machins, mais leur première mi-temps, on s'entend dans le vestiaire, la pause, je m'appelle la mi-temps, bah, les murs doivent trembler encore, quoi. Et c'est là où j'ai, je pense, assis mon autorité. C'est que. Quel que soit mon âge, machin, je suis votre responsable et vous ne faites pas ça avec moi. Et vous avez le choix de ne pas accepter, vous partez tout de suite. Vous sortez du vestiaire et ils sont restés. Et c'est là que ça s'est. Il y a eu ça. Et puis après, parce qu'on a fait plein de choses avec eux, on a construit des choses avec eux, on a fait des stages avec eux. Donc auprès des jeunes, c'était ça. Après, par rapport aux adultes, sur l'éducateur, en tant que responsable d'école de foot, ça a été compliqué parce que c'était des gens, des potes au départ. Et au départ, j'étais un petit peu pris pour. D'ailleurs, c'était. Fut un temps un peu mon surnom, comme un Cerbère, quoi. Tu vois, t'es là, tu viens, qu'est-ce que tu viens faire là ? Ça marchait avant. Un petit peu, comme ça. Alors, c'était pas hostile, hein, faut pas exagérer. Hein. Mais après, ça a été justement montrer sur le terrain que j'étais pas là pour faire quoi que ce soit, j'étais là pour guider, pour aider. Et puis après, ça s'est fait comme ça, en connaissant les gens, être humain, quoi. Voilà. Mais ouais, c'était. Fallait trouver ses marques, voilà, fallait trouver son marque dans les deux aspects. Mais avec du recul, le plus, faut pas regretter, hein, mais le plus pas embêtant, pas ennuyeux, peut-être le plus gênant, c'est qu'il y a une partie de, alors sans non plus pas de mouchoir, hein, mais pas de dramaturgie non plus, mais c'était à 20 ans, je me suis imposé certaines choses de pour être d'après moi, on m'a rien imposé. Je me suis imposé d'être exemplaire. Mon image était, l'éducateur était exemplaire, ça l'est toujours d'ailleurs. Était exemplaire, donc on doit au moins faire ce qu'on dit, quoi. Au minimum, ce qu'on dit aux autres, il faut le faire. Donc si on ne dit pas sortir la veille, on ne sort pas la veille. Même si on peut considérer que l'éducateur, lui, il joue pas, mais malgré tout, il doit être frais le lendemain. Non, quand même. Et puis, voilà, donc après, tu te dis, bah, c'est peut-être des années où j'ai pas profité, etc. Mais pas de regret, puisque sinon, j'aurais pas été là. Aujourd'hui, avec toi. Rien que pour ça, je me félicite d'avoir... Ouais, je parle pas beaucoup parce que c'est, ouais, moi ça m'intéresse beaucoup. Bon, il s'avère qu'un peu comme toi, j'avoue, assez rapidement, je fréquentais pas les disques de frais, quoi que si. Mais bon, bref, je voulais être frais en effet le samedi et le dimanche. J'avais pas prévu de poser cette question, mais je la trouve intéressante. Le côté un peu, je sais pas qui a raison, qui a tort, mais le côté un peu, soit c'est comme ça, soit tu sors du groupe. Je sais pas ce que t'en penses, pour gratter un tout petit peu. Il y a le concept un peu où bah, y a un cadre, et je pense que t'as beaucoup évolué là-dedans, et je vais un peu t'amener justement dans cette discussion-là. Il y a un cadre, si tu rentres pas dans le cadre, tu sors. J'ai l'impression qu'on est dans un monde où quand même on prend de plus en plus en considération l'être humain, et en partant du principe qu'il est différent, et il faut qu'il y ait une souplesse entre le cadre d'une structure et la souplesse d'intégrer chaque élément un peu dans le cadre. Je sais pas si je parle pas de rigidité, je vais utiliser le terme pour qu'il soit clair entre nous, mais est-ce que tu serais encore comme ça vraiment, ou soit tu rentres dedans soit tu sors, en considérant que j'imagine que la façon de construire le cadre a beaucoup évolué entre l'entraîneur de 20 ans et l'homme que tu es maintenant. Oui. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. C'est très clair, mais ma réponse va être très claire. Ah. Sur les raisons qui m'ont amené à parler comme ça dans les vestiaires, ça ne changera jamais. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas négociables. C'est dans mon éducation, sur un terrain de sport, la violence n'a pas à être présente. Ça n'a pas à être présent. Le manque de respect envers l'adversaire, ça n'a pas à être présent. À la limite, on va tolérer que mettre un petit pont est un manque de respect. Ça peut être... évidemment qu'on le tolère, c'est la beauté du geste. Mais c'est ironique, c'est évidemment pas un manque de respect, mais ce qui s'était passé ce jour-là, et d'ailleurs les jeunes en question, j'en ai toujours en relation, hein, ils ont maintenant leurs enfants au club, etc., et on s'entend très bien. C'est un moment important, mais ça n'a pas laissé de traces particulières, si ce n'est que moi j'ai souvenirs précis. C'est comme ça, comme dit mon formateur en management Nicolas Duguay, c'est la règle des 5 C. Il y a des non négociables, mais moi mes valeurs c'est le respect, et quand tu respectes pas ça, c'est con mais c'est comme ça, c'est les 5 C, c'est con mais c'est comme ça. Donc, c'est les 5 C, c'est ouais, con mais c'est comme con, ça, mais c'est comme ça. Donc ça te plaît ou pas, c'est comme ça avec moi. Ça, ce sont les non négociables. Ce qui a évolué aujourd'hui, c'est que j'ai compris qu'il devait y avoir des négociables, des parts que tu négocies. Il y a des choses que je négocierai jamais. Dans mon équipe, on ne se comporte pas comme ça. Alors évidemment qu'il y a eu des joueurs qui se sont comportés comme ça, et que je n'ai pas vu ou pas entendu. Je ne suis pas fou non plus. Je ne suis pas en train de dire que tous mes joueurs se comportaient, etc. Parce qu'après, tu connais peut-être des joueurs comme ça, et j'en connais, et des gens que j'apprécie énormément. Je crois qu'il y a un phénomène paranormal, métaphysique, je ne sais pas comment l'expliquer, qui, dès lors qu'un être humain met un short de foot, des fois ça le transforme. Et je connais des gens qui, dès qu'ils mettent un short de foot, deviennent un peu fous, quoi. Mais en dehors, c'est des gens extraordinaires. Bon, toujours est-il que quand ils sont sur un terrain de foot, ils sont sous ma responsabilité et que je n'accepte pas qu'ils se comportent de certaines manières. Donc ça ne bougera pas. La chose qui a évolué, c'est le côté négociable. C'est qu'à un moment donné, j'ai compris que il faut qu'il y ait des règles communes, quoi qu'il arrive. Construire un cadre avec le groupe. Voilà, et que les règles communes, c'est certaines, bah, c'est comme ça. C'est les 5 C. Ce sont mes non négociables. Elles sont construites avec les joueurs? Non. Ou non, avec non. Le groupe? Non, non, non. Les non négociables, non. Je les annonce. Ok, il y a quelques règles qui sont non négociables. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Et puis après, il y a une partie qui sont. Donc il y en a qui adhèrent pas. Hein. Oui, mais à ce moment-là, je les prends pas, si je le sais, ou ils sortent. D'accord. Ou ils les appliquent. Ils changent de cadre, il faut qu'ils changent de groupe. Voilà, ou ils appliquent. Mais ça, c'est dans les éducateurs, dans tout ça. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut changer mes non négociables? Je veux dire que la manière de se comporter, l'évolution de la société fait qu'il y a des choses qui, peut-être, je ne tolérais pas du tout à 20 ans, que je tolère un petit peu plus aujourd'hui. parce que les codes ont changé, si tu veux. Mais globalement, le manque de respect, et après, c'est... le manque de respect, c'est... Le respect, on va être 50, il y a 50 définitions différentes. Est-ce que se serrer la main, est-ce que un adulte qui check avec un jeune, c'est respectueux, ou est-ce qu'il doit garder une distance? Chacun a son avis là-dessus. Il y a des pays où ils disent bonjour en s'embrassant sur la bouche. Est-ce qu'en France, on va dire c'est respectueux? Bah non. Donc ils se frottent le nez. Bon, bah, c'est du bon sens, c'est de la culture, etc. Donc il faut se construire dessus. Les négociables, bah, c'est en amont, pour moi, c'est le travail le plus dur. Les non-négociables, c'est pas... Il faut s'adapter à la société. Et puis, tu appliques, c'est comme ça. C'est une forme de crédibilité. Tu dis donc tu dois faire. Si tu annonces des non-négociables, tu dois les appliquer. Sinon, c'est pas la peine de les annoncer. Les négociables, pour moi, c'est un gros travail. C'est qu'en fonction du contexte, tu dois mettre un cadre qui puisse, dans lequel les joueurs, l'entreprise, c'est pareil, puisse se mouvoir de manière harmonieuse. Et en fonction du contexte, le cadre, tu vas être plus ou moins réduit, ou plus ou moins large. Et tu permets donc, à l'intérieur de ce cadre, que les gens négocient des choses. Ça peut être les horaires, par exemple. Mais je sais, par exemple, hein, je sais qu'on ne peut pas dépasser 21h parce que c'est la mairie qui l'impose. Donc ça, c'est je permets qu'ils négocient l'horaire, mais par contre, ça, on ne va pas au-delà de ça. Donc ça non plus, c'est pas négociable. Mais avant ça, c'est négociable. Mais ça peut être plein de choses. Je sais pas moi, sur un choix d'exercice. Je pense que c'est un outil de management de la performance. Je vais spécialiser ma question. Ouais. Évidemment, on n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais je veux quand même écouter, savoir, parce que ça m'anime et ça semble t'animer quand même. Mmh. T'as parlé d'harmonie entre les membres du cadre. C'est un élément inhérent à la performance. Et justement, quand tu crées ton cadre, c'est quoi ton objectif? J'imagine que l'idée, un peu, tu as parlé de quintessence, de développement du quintessence de chaque membre du groupe. Tu as parlé de... Et là, je parle du groupe en tant que responsable, mais je ne sais pas si on peut faire des liens, parce que c'est des postures que je n'ai pas forcément eues, mais en tant qu'entraîneur, éducateur, en tant que responsable d'une catégorie, en tant que directeur général, je ne sais pas si on peut faire des liens, s'il y a des choses qui se retrouvent, mais quand tu crées un cadre, ton objectif, harmonie, il y a un objectif à la performance. Enfin, dans ta réflexion de cadre, c'est un peu là où tu veux en aller. Comment mettre les gens dans les dispositions? Et en fait, ton objectif, c'est de faire atteindre quoi? Je sais pas. Bon, faire atteindre quoi, ça dépend de quoi on parle, mais le point commun dans tout ce que je fais, c'est l'idée de fédérer les gens vers un objectif, quel qu'il soit, vers quelque chose qui va nous transcender, qui nous passionne tous. Alors, il y a des points de divergence sur les motivations des uns et des autres, et heureusement. Mais il y a une chose, alors sans faire de démagogie sur la société en général, mais il y a des choses qui doivent nous rassembler, quoi. Donc l'idée, c'est de rassembler les forces autour de quelque chose qui va fédérer. Et moi, ce qui m'anime, c'est ça, en permanence. C'est faire en sorte que le groupe, et ça, c'est mon profil, non pas de motivation, mais mes préférences cognitives. Je suis très grégaire, quoi. Le groupe, c'est le groupe. C'est le groupe, et il faut que le groupe fonctionne, et il faut trouver les moyens que le groupe fonctionne, il faut que fédérer et installer des croyances. Voilà, c'est que faire en sorte de convaincre, ça c'est un verbe que j'aime bien, que j'adore, convaincre les gens qu'on va réussir. On va réussir. Il n'y a pas de raison pourquoi on ne réussirait pas. Non, ben non, parce que si tu ne crois pas au départ, qui va y croire à ta place? C'est pas du bluff. C'est une croyance. Toi, tu crois peut-être qu'en partant un quart d'heure plus tôt pour venir ici, tu vas arriver à l'heure, mais qu'est-ce que tu en sais? Mais tu t'en convaincs. Donc tu te mets dans les meilleures dispositions pour ne pas être stressé. Tu te dis, bah, je suis convaincu qu'en faisant ça, ça sera mieux. Mais tu n'en as aucune preuve. Mais tu es convaincu de ça. Parce que ton expérience t'a montré qu'en faisant ça, c'était mieux, mais tu es convaincu, mais tu n'en as aucune preuve, parce que tu ne peux pas être sûr de quoi que ce soit. Mais par contre, ce dont tu es sûr, c'est que si tu fais pas mal de séances, tu n'y arriveras pas. Donc, c'est convaincre les gens, en fait. C'est pas forcément du bluff. J'ai une anecdote ou deux là-dessus, mais... C'est convaincre les gens et happer les gens, aspirer les gens vers un objectif commun. C'est ce qui doit guider, enfin je pense c'est ce qui guide tous les managers, tous les leaders, tous les gens, les leaders. Ils sont gardés, donc tu es chef de famille, t'es leader de ta famille, tu aspires tes enfants, etc. Tu fais en sorte de les amener vers le haut. Bah, dans une équipe, c'est pareil. Donc, ouais, je suis orienté solution, orienté pour convaincre les gens, orienté en permanence pour trouver les moyens de mettre les gens dans de bonnes dispositions pour qu'ils aillent. Alors, je ne fais pas tout bien, évidemment, mais c'est le steam guide. Tu as parlé d'anecdotes, tu n'hésites pas. Ouais, l'anecdote. Avant ça, je ne sais pas si ça peut alimenter, mais justement, j'allais rebondir en disant, mais du coup, c'est quoi ton secret, Luc, pour fédérer? Comment on fédère? Alors, si, je sais pas si ça avait du lien avec les anecdotes. Ouais, si, mais après, si j'étais, c'était si simple, mon parcours d'entraîneur, j'aurais pas fait si peu, parce que en tant qu'entraîneur d'équipe senior, j'ai eu la chance d'avoir des groupes qui ont permis par deux fois de monter de PH en DH, on est descendu l'année d'après. Donc voilà. Maintenant, est-ce que j'avais le groupe capable de se maintenir? Parce que tu as beau avoir fait plein de choses. Après, c'est la valeur de tes joueurs. Je ne dis pas que mes joueurs n'avaient pas de niveau, mais on était peut-être, ils étaient à 100% de leur niveau, mais le niveau était trop haut pour nous, peut-être. On ne saura jamais. Mais en fait, moi, ce qui me marque, en fait, c'est l'année. C'est l'année où je rentre en formation avec Denis Troche. C'est l'année où donc on monte. Alors l'année d'avant, pardon, j'avais arrêté d'entraîner. Puis comme le corps est ainsi fait, j'arrête d'entraîner, la pression tombe. Et donc je fais une hernie distale paralysante, puisque le corps s'est relâché. Tout s'explique. J'ai eu mal au dos, mais sans plus. Et puis au moment où j'arrête d'entraîner, où c'est un peu plus cool, mes soirées, là, boum, il y a tout qui pète. C'est comme quoi, il n'y a pas de. Ça, c'était en... Tu sens que c'était tendu, c'était sous tension pendant un moment donné, et puis un moment non, donné... Non, je sais pas, mais quand t'es tous les soirs au stade jusqu'à 23h, maintenant 23h, au bout d'un moment, tu payes quand même. Et donc, je lâche l'équipe et je la reprends avec Stéphane Allière, donc en novembre, cette année-là, on se maintient en PH, et l'année d'après, donc, cette année, on monte en DH. Et cette année-là, donc c'était en... Ça devait être en... Hiver 2011, je me souviens très bien, alors pas de la date, mais du moment, un entraînement le soir, où, pourquoi j'en sais rien, mais c'est des choses qui ne s'expliquent pas. J'éprouve le besoin de dire aux joueurs, les gars, il va falloir vous préparer pendant les fêtes à vous entraîner, on va pas couper, on va s'entraîner entre les fêtes. Pourquoi ben, on va s'entraîner parce que, en fait, il va falloir refaire du foncier parce qu'au mois de juin, on va jouer tous les 3 jours. Mais pourtant, tous les 3 jours, on n'est pas sûr qu'il y ait intempéries. Non, mais parce qu'on va aller en finale de Coupe de l'Oise, Coupe départementale pour ceux qui ne sont pas d'ici. Les joueurs, ils me regardent, il n'est pas bien. Là, pourquoi j'ai dit ça, j'en sais rien. Hein. Parce qu'on va aller en finale de Coupe de l'Oise. Bon, ok. Donc on fait les entraînements pendant les fêtes, pas de soucis. Et puis après arrivent les tours de Coupe de l'Oise, les premiers tours. Et puis tu passes à l'arrache, t'es pas bon, mais tu passes. Et puis en même temps, t'es dans les premiers en championnat. Puis petit à petit, les gens ils se disent mais on a de la chance, hein, pour pas dire autre chose, on a de la chance en permanence, on passe, on n'est pas très bon, mais on passe tout le temps. Il y a un truc, il y avait une cohésion énorme, un truc énorme. Là, c'était fédéré, pas plus fort que les autres, techniquement. Mais plus fort que les autres en termes de cohésion, c'est sûr. Et puis, on joue en demi-finale. Donc, on monte le dimanche, un dimanche de juin. Donc, on jouait donc tous les 3 jours, à ce moment-là, forcément. On l'avait annoncé. Et puis, le mercredi, on joue en demi-finale de Coupe de l'Oise contre Chambly, qui était déjà à l'époque en pleine ascension, qui était qui, ce même week-end où nous on monte, attire leur. Chambly arrive à choper la montée, je ne sais plus où c'était, en région parisienne. Donc ils montent en CFA. Ils sont champions de CFA 2 ce week-end-là et on joue le mercredi chez eux. Donc ils ne perdaient pas de match, etc. Et on arrive là-bas, donc bon, on joue demi-finale donc. Pour rappeler à tout le monde, demi-finale c'est juste avant la finale. Mais c'était au cas où on ne comprend pas. Et on mène 1-0. Et Chambly domine. On se fait égaliser. Et là, souvent, quand tu prends un but, hein, mais tu mènes contre une grosse équipe, tu prends un but, souvent, tu as. Deuxième mi-temps. Tu chutes un petit peu. À la 70e. Et là, à la mi-temps, un partout. Ah, d'accord. Dans les vestiaires, moi pris par. On va en finale. Il n'y a pas à s'affoler. Ça va se passer. On a fait ce qu'il fallait, on l'a annoncé, les joueurs calmes, machin. On gagne 2-1. On va en finale, on joue en finale le dimanche qui suit, donc quelques jours après avoir battu Chambly chez eux 2-1, on avait beaucoup couru. Hein. Enfin, surtout eux, c'est bon, on a trop couru. Et puis le dimanche d'après, on n'avait plus de jus. On perd en prolongation contre le Cannes. Ouais, 3-1, mais avec du recul, on ne saura jamais, mais quand tu. Programme dans les têtes un objectif et tu l'atteins, t'as une décompression. Ça c'est sûr. Quand tu te dis objectif c'est la finale et t'y es, t'as atteint. Donc t'as forcément une chute de motivation. Ça veut pas dire qu'ils voulaient perdre, mais. L'objectif c'était pas la victoire, c'était la finale. Non, voilà. Tu vois, donc c'est, dans la façon d'objectif c'est important, c'est quand tu. Et quand tu regardes la plupart des matchs ou des compétitions, avant un grand événement, le match d'avant et le match d'après, il est souvent. Merdique, quoi, parce que les joueurs sont concentrés sur l'événement phare. Et donc, quand tu l'atteins, t'as forcément derrière une décompression. C'est un des sujets de formation de Nitroche, mais qui est tout à fait réel, et on peut se rendre compte tous. Si, avant, ne serait-ce que, par exemple, tu pars en vacances, tu pars à l'étranger, tu prépares ton déplacement, c'est un truc compliqué à faire, et une fois que tu arrives, ça y est, j'y suis, quoi. Après, tu vas repartir, mais tu as un moment où tu peut-être que tu savoures, mais voilà, après il faut se remotiver. Et donc on a perdu parce que Clermont était plus fort, puis parce que on n'était plus là, quoi. Mais voilà, c'est un événement qui alors j'en ai jamais trop reparlé avec les joueurs, je sais pas s'ils s'en souviennent, mais moi je m'en souviens très bien. Une bonne anecdote pour fédérer fixation d'objectifs. Les croyances. Créer une croyance. Et voilà, c'est que. Alors, au départ, n'y croyaient pas tous, c'est sûr. Mais au fur et à mesure, t'es pris dans le truc, quoi. Tu dis, mais. Il dit pas de déconneries, on t'a dit, on va y aller, c'est pas possible. Mais t'as vu ce qui se passe, poteau sortant, nous, c'est poteau rentrant. Mais tu dis. Et là, c'est toute la. Les croyances ou superstitions, plus les croyances, superstitions des joueurs de foot ou des sportifs. Ok, tu. À ce moment-là, on est directeur général. Tu dis que tu l'as acquis naturellement, tu fédères, donc tu fais des liens et tout sur la mise justement pour créer, c'est ce qu'on dit, fédérer, créer des convictions. Comment tu fais pour progresser? Est-ce que tu as des petits secrets, des petits tips pour passer en. Je sais pas la durée, mais j'imagine dans une quinzaine d'années à peu près d'un statut d'éducateur à un rôle de directeur. C'est quoi le secret de Luc pour progresser comme ça? En fait, c'est. Ce qui est un de mes défauts, c'est de toucher à tout, c'est ma principale qualité. C'est que en allant voir partout, pour ça qu'en même temps, j'ai des fonctions d'élu dans deux comités départementaux, je suis élu dans le monde des assurances, je fais des liens partout. Je suis élu à Groupama, pour ne pas faire de pub. Le Groupama, pourquoi? C'est parce que le Groupama, j'ai rencontré le directeur d'une agence qui était copain avec un sponsor du club, on a sympathisé, puis je me suis dit, bah, ça peut être sympa, on me demande d'être élu, bah, je dis, ouais, ça m'intéresse. Parce que je me dis, comme j'ai une activité aussi sur le sport santé, Groupama, assurance, mutuelle, si on veut faire un projet, ça peut être. Faire des liens. Faire des liens. Tu vois, et ça peut aider. On sait bien qu'en étant à l'intérieur, tu crées des réseaux et c'est ça. Donc, comment on fait pour progresser? Bah, c'est des rencontres, c'est d'être curieux, c'est de comprendre comment ça se passe. Et puis, j'en ai mort pas, c'est l'humain. Tu peux pas rencontrer les gens, dans notre département, dans notre région, je pense être un minimum reconnu sur ma capacité à monter des dossiers et à obtenir des subventions. Eh ben, j'ai du mal à trouver le nombre de fois où un dossier de subvention a été monté sans que j'ai eu en amont à rencontrer les personnes qui géraient. Parce que je sais pas quel impact ça a, mais je sais juste que pour faire passer un message, il faut, voilà, il y a le regard, il y a les gestes, tout ce qui va avec, toute la communication non verbale ou paraverbale, puis un papier, il n'y a rien de verbal. Donc, voilà, c'est comme ça, comment j'ai progressé, puis après, donc en prenant modèle, bon, honnêtement, là je parle de Denis Troche, quand je mets en place des choses, très souvent je dis que l'outil vient de Denis Troche, mais je me l'approprie, mais au départ ça vient de lui. Donc je copie, mais j'adapte à mon niveau, et puis je prends exemple, et puis quelques formations. J'ai pas un cursus scolaire, j'ai eu un bac, j'ai passé le brevet d'État. J'étais un petit peu à la fac, mais sans plus. Et puis, brevet d'État, premier degré. Puis après, j'ai fait formation management avec Denis Troche. Puis la formation de préférence motrice, cognitive et motivation profonde avec Ralph Hippolyte et Juan Nguyen. C'est les seules formations que j'ai faites. Tout le reste, voilà. Mais c'est ces rencontres. Et en fait, là, mon activité de consultant sur l'accompagnement, eh ben, ma technique d'accompagnement, elle vient de tout ça. Le cœur, je pense que c'est, au-delà de ma personne, mais c'est ce que Denis Troche a réussi à faire dans sa formation, c'est de cristalliser le coaching, donc l'accompagnement, le management, donc comment on fédère, comment on atteint les objectifs, comment on les fixe, et la préparation mentale, c'est quel outil tu peux pour te projeter, etc. Il a réussi à cristalliser ces trois... Et donc dans tout ce que je fais, en fait, j'utilise ça. Et ce qui vient rajouter à ça, enfin, ce qui vient compléter ça, ce sont les préférences motrices, cognitives, les motivations avec Ralph, Hippolyte et Juan, Nguyen. Où ça vient encore plus mettre en valeur l'unicité. Déjà, Denis, il met ça en place, Denis Troche, l'unicité de la personne. Et là, les préférences motrices, cognitives, ça met en exergue et le fait qu'on est tous uniques. Puis on a une signature motrice singulière, on est tous différents. Donc tout ça, ça vient compléter ça et voilà comment l'expliquer, je pense que c'est ça, mais c'est surtout la curiosité humaine d'aller voir les gens, d'aller ressentir en fait la forme, sans faire ombrage à quiconque parce que j'ai rien à apprendre là-dessus aux gens, mais quand j'ai voulu faire cette formation de préférence motrice, il y avait plusieurs prestataires de formation pour la même formation, mais Ralph Hippolyte c'est le boss, le fondateur de ça. Il fait partie, comme Denis Troche, de ce que j'appelle les perchés. Mais c'est très gentil dans ma bouche. Hein. C'est très... Ils ont creusé. Très valorisant. Mais ils sont ailleurs, quoi. Ils sont ailleurs. C'est des extraterrestres. Ils t'amènent, ils te happent, tu les écoutes. Voilà. Mais encore une fois, perché, c'est très positif dans ma bouche. Hein. Mais ils sont pas... Et ils sont anormaux. Ils sortent de la norme, donc ils t'intéressent. On reçoit, par exemple, quand on regarde en termes de communication, on a tellement de communication maintenant à tous les niveaux. Certains même mettent des podcasts dans des podcasts maintenant, tu vois, et je bafouille. Bon, ça communique dans tous les sens. Mais ceux qui arrivent à être entendus, c'est ceux qui sont extraordinaires, anormaux, qui ne sont pas comme les autres, sinon tu n'entends pas les gens. Tout le monde parle, tout le monde envoie des mails, tout le monde communique sur les réseaux, etc. Donc tu as une forme d'habitude de communication et ça rentre, c'est insidieux, mais voilà, ce que tu retiens, c'est les gens qui sont différents. Et ces deux personnes-là, c'est extraterrestres. Je peux pas. Et donc, moi, ça me happe, ça m'intéresse. Donc, tout ce qu'ils disent, moi, j'y réécoute. Puis après, tu te construis, tu fais pas du copier-coller. Hein. Donc, comment je fais? Je pense que c'est comme ça. C'est une addition de tout ça. Plus tous les gens qu'il y a autour. Hein. Les proches, les collègues, t'apprends tout le monde. Hein. J'ai des collègues extraordinaires au club, dans mes deux clubs que je dirige. Et puis dans mes fonctions d'élu, j'ai des gens qui sont là, qui sont juste top, puis tu te construis comme ça. Donc il n'y a pas que l'école. L'école est importante, mais il n'y a pas que l'école. L'empirisme sur le terrain. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est. c'est l'école est importante, hein, je suis pas en train de dire ça, mais le point commun, c'est d'aller chercher, en fait. C'est pas, quand je dis l'école, oui, il n'y a pas que l'école, mais si tu t'arrêtes à dire ça et que tu fais rien, t'apprends rien. Il faut aller voir, se confronter, essayer, et puis faire, quoi. Mais c'est dans mon profil, j'aime bien faire, donc voilà. Et tu... Comment t'arrives à trouver l'équilibre entre... Ok, tu prends un peu de recul en devenant, par exemple, directeur général du club, et tu t'éloignes du terrain. Et comment t'arrives à... ce sera la dernière question dans ce sens-là, mais comment t'arrives à continuer à fédérer les hommes du terrain en passant beaucoup moins de temps justement sur le terrain, en prenant de la hauteur sur des projets beaucoup plus lointains pour le club. Je ne sais pas si c'est clair, mais si. Comme tu passes beaucoup moins de temps, je ne sais pas si la légitimité sur le terrain, elle se perd. Et puis, il peut y avoir le discours un peu des hommes du terrain qui disent « Oh, mais il n'est plus sur le terrain, ils ne se rendent plus compte de certaines réalités, c'est plus comme à l'époque. » Et comment continuer à fédérer des personnes où... Toi, tu y étais il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu y étais, mais c'était une réalité que de ton contexte. Et comment continuer à fédérer Alors, j'ai pris mes fonctions, enfin, officiellement mes fonctions de directeur du club, contractuellement, en 2003. Et j'entraînais en 2003. J'ai arrêté en 2011 pour reprendre en 2011 et arrêter en 2013. Donc il y a eu 10 années où, en même temps d'être directeur, j'entraînais. Donc j'étais toujours sur le terrain. Je menais tout ça de front. Et justement, j'aspirais à arrêter. C'était trop. Donc depuis 2013, je ne suis plus sur le terrain. Donc la question peut se poser donc, depuis 2013. Et j'ai ressenti le besoin de couper, justement. J'ai ressenti le besoin aussi parce que mon collègue Stéphane Adiard, qui a pris ma place en solo, qui était avec moi à ce moment-là, en 2013, et il a pris seul les rênes de l'équipe, il était impossible pour moi d'être présent au match, dans les vestiaires, etc. Puisque quand on t'entraîne pendant des années des joueurs, quand t'arrêtes, tu t'effaces. Sinon, t'as toujours un truc, un regard, un truc interprété, tu sors. Sur les jeunes, petit à petit, je me suis écarté aussi, et c'est pour la même raison, Stéphane, c'est du très bon travail, et s'occuper de l'aspect technique. Et donc moi, j'avais ce rôle au-dessus d'aller développer des projets pour ramener de l'argent. Parce qu'on était une structure, on est toujours une structure de des salariés. Là, on est à 6 salariés à temps plein. À l'époque, on était juste à 11 salariés. Pas à temps plein, mais équivalent temps plein, ça faisait 8 ou 9. Donc, pour faire entrer des sous, quand même, hein, pour faire tout ça. Donc, il a fallu, et puis moi, ça convient à mon profil aussi, il a fallu aller rencontrer des gens partout pour convaincre la région, le département, la mairie, des sponsors, on a créé un club de partenaires, enfin voilà, et tout ça, ça m'intéressait bien. Puis en même temps, j'avais créé OSER, donc il y avait des formations auxquelles certains Canadiens ont participé, de manière courte, mais ont participé, mais oui, il y a. Mais je sais ce que tu dis, j'en ai pris conscience. Que ça pouvait être. Non, c'est pour ça que j'ai laissé carte blanche aux gens. Je suis arrivé à un moment où les résultats n'étant plus présents, où là, les gens ne peuvent plus dire ça. T'es loin du terrain, etc. Ça ne marche pas. Donc, si ça marche et que je dis quelque chose et que l'homme n'était plus sur le terrain, ils ont raison, ça marche. Mais quand ça ne marche pas, et qu'on est arrivé à un point où nos équipes de jeunes ne sont plus au niveau régional. Il y a plein de facteurs, hein, plein de facteurs. Un des facteurs, c'est qu'on a tellement mis d'énergie dans tout ce qui était extra-foot, éducation par le foot, avec un projet éducatif qui nous a amené des reconnaissances locales, nationales, que ben, on était très très pris, et donc l'aspect sportif est... tu laisses un peu d'énergie. Et puis d'autres clubs en même temps ont travaillé mieux, et puis tout ça mis bout à bout. Voilà. Et donc là, on a restructuré le club, restructuré le club. C'est long, hein, toujours. Hein. C'est long, et puis... quand tu as une compétence et que tu arrives à rester dans ta compétence et à ne pas parler... là, par exemple, si je parle de préparation mentale à mes éducateurs... Voilà, j'ai cette compétence-là, j'ai cette reconnaissance, cette crédibilité. Si je parle de management des hommes, j'ai cette crédibilité. Sur l'aspect foot, je sais que j'ai sur l'aspect technique foot, sur les certaines nouvelles, pas pédagogie, parce que je suis toujours en commission technique au district de l'Oise, donc je suis dans la formation cadre, donc je tenais la pédagogie, mais sur cette nouvelle mouvance tactique, je suis moins au fait. Donc c'est des choses dont je ne parle pas trop, et moi sur cette technique, Jean-Pierre Ziemé, qui est très compétent là-dedans, le fait. Mais n'empêche, quand ça ne tourne pas, quand il n'y a pas de résultat, et quand tu dois parler de performance, il y a des choses où j'ai une crédibilité quand même. Donc, et encore une fois, c'est les résultats qui parlent. Moi, je ne pense pas avoir raison sur tout, mais j'essaie de m'entourer. On s'est formé avec quelqu'un de très compétent là, pendant le confinement sur la préparation mentale, sur d'autres choses. La préparation invisible, sur l'aspect technique, l'aspect tactique, la préparation physique. Et ben après, tu t'entoures de gens. Moi, je me fiche de ne pas être le meilleur. Moi, mon rôle, c'est d'avoir les meilleurs. Pas d'être le meilleur, je m'en fiche. Moi, Jean-Pierre Dimé, mon simple technique au niveau foot. Bon, déjà, il a joué à un meilleur niveau que moi, et il a une connaissance du jeu beaucoup plus affinée que moi, mais c'est très bien. J'ai pas de problème d'ego avec ça. J'en ai d'autres qui ont plein d'autres compétences que je n'ai pas moi. C'est pas... Mais on agrège ses compétences. Par ta polyvalence, tu cherches des spécialistes. Je la fais courte, mais... Oui, mais après, tout est au regard du niveau. Oui, oui, non, on a un niveau régional, donc ouais. Mes compétences mes compétences sont importantes au niveau régional et peut-être moins importantes à un plus haut niveau. Tu vois, tout est relatif. Mais voilà. J'avance un peu. Directeur général, à ce moment-là, tu te lances dans Oser. Oui. Donc, tu en parleras beaucoup mieux que moi, évidemment. Moi, ce qui serait curieux, c'est déjà, qu'est-ce qui t'amène à créer et... si tu peux en parler, parce qu'après j'aurai deux, trois petites questions sous-jacentes à ça, en fonction également de ce que tu vas pouvoir nous partager. Alors pourquoi j'ai créé Oser ? Donc à l'issue de la formation de Denis Troche, je me suis posé plein de questions, parce que ça remue, hein, 20 jours de formation, qui m'ont permis de travailler sur moi déjà. Parce qu'avant de fédérer les autres, il faut déjà bien se connaître. Donc j'ai découvert les émotions que je survolais ou que je bloquais. Donc, j'ai découvert les émotions, j'ai découvert à quel point les émotions étaient responsables de nos actions, si c'est pas responsable, impactait fortement l'action, bah, plus que responsable, impactait fortement l'action, les résultats des actions. J'ai découvert ça. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que dans mon parcours, mes formations, brevet d'état notamment, m'ont apporté plein de choses, mais que mon quotidien d'entraîneur, la formation fédérale ne m'apportait pas assez, voire très peu. Et donc le quotidien d'entraîneur, je me suis rendu compte, c'était mes rencontres avec Denis Troche, avec Jackie Bonnevet, avec Dominique Delac qui était au départ au club, avec Patrick Rémy, avec Pascal Lefebvre, le conseiller technique départemental. C'était auprès de ces gens-là. Et Guy David, qui est malheureusement décédé, qui était entraîneur à Beauvais, et je me souviendrai toujours qu'il a fait une intervention à la Mutualité des éducateurs de l'Oise sur la gestion de l'échec. C'est un truc qui m'a marqué. Mais c'est ça notre quotidien. Comment tu gères l'échec, la réussite, c'est ça. C'est plus ça que de mener un entraînement. C'est plus ça. Comment tu gères les hommes, comment tu gères ou les femmes, comment tu gères les déceptions, comment tu rebondis après un échec, comment tu... Tu ne tombes pas après une victoire, c'est ça le quotidien. Comment tu arrives à évoquer à quelqu'un qui joue pas, pourquoi il joue pas, comment tu gères ça, quoi. C'est ça le quotidien. Et donc, en même temps, je rentre dans ma fonction d'élu au niveau du foot, et j'essaie de faire passer des messages. Aussi sur le fait qu'il fallait accompagner les clubs, pour aider les clubs à trouver des financements, puisque j'avais cette fonction-là. Donc j'essaie de faire passer des messages. Et à l'époque, c'était la région de Picardie, et le directeur des sports de la région de Picardie, c'était Ezio Montselato. Et M. Chapuroux, le vice-président. Et un jour, en déjeunant avec Ezio Montselato, il me dit, comme il connaissait mon parcours, il me dit alors, comment ça se passe par rapport à tes projets dans le foot, comme élu, etc. Il me dit, t'arrives à faire bouger les choses, mais il me pose la question en connaissant la réponse. Et je dis, bah écoute, c'est compliqué, c'est long, etc. Ben, il me dit, écoute, si t'arrives pas à l'intérieur, fais-le de l'extérieur. Et donc j'ai créé Oser, la formation à laquelle tu as participé, avec des outils du quotidien de l'entraîneur que j'avais accumulé auprès de Denis Troche, auprès de. Voilà, que j'ai agrégé, que. Sur c'était son objectif avec les fameux cubes, ça vient de Denis Troche, ça, hein, je ne l'avais pas inventé moi. Là où la collectivité ou la fédération ou d'autres structures n'accompagnaient pas les clubs, ben moi je le fais avec Oser, j'accompagne les clubs. Ce soir, j'accompagne un club, je vais expliquer comment monter son projet, comment obtenir une subvention, comment. Voilà. Et donc c'est venu de ça en fait, c'est que un besoin non satisfait ailleurs. Le fait aussi que, égoïstement, je voulais faire passer un message dans un milieu et ça passait pas assez vite. Et donc, je me dis, bah, ça passe pas assez vite, je vais pas les attendre, je vais le faire moi. La facilité de créer une auto-entreprise, ça s'est fait en. Et puis, je l'ai créé le 1er mai 2014. Mais le 1er mai 2014, enfin, pour moi, c'est très symbolique. C'est le 1er mai. Voilà. C'est pour moi, le 1er mai, il n'y a aucune valeur politique. Hein. Mais juste dire que. Le jour de la fête du travail, je crée une entreprise, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de congé pour moi, il faut bosser. J'avais l'opportunité de le faire la veille, je l'ai fait le 1er mai. Voilà. Et tout le monde s'en fiche peut-être, mais moi ça m'a fait rien. Moi j'avoue, ça me fait sourire parce que c'est l'impression que tu me donnes aussi, sans arrêt d'être dans l'action, action, action, et ouais. Il se passe des trucs. Quand même pour faire. Merci déjà de la présentation, mais. La question que je voudrais, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Oser ? Le message à faire passer, bah, moi je le vois, c'est de tenter des choses. Et peut-être qu'à cette période-là, je ne sais pas si c'est un signe, mais durant la formation, du coup, moi j'ose prendre l'avion pour le Canada. C'était la première fois que je partais vivre à l'étranger. Je ne sais pas si c'est lié, peut-être il y a des choses inconscientes que j'en ai pas conscience, mais peut-être. Qu'est-ce que tu observes dans tes formations ? De faire passer les messages maintenant avec le recul, avec quelques années, plusieurs années d'expérience, comment on transforme un public tel que moi, parce que j'étais, un public excellent, j'étais quelqu'un qui n'osait pas grand-chose. Alors je dis pas que maintenant je réussis des choses, c'est pas du tout, mais au moins je me suis mis dans une mécanique d'action, une volonté de faire des choses. Qu'est-ce que tu retires de ton observation, ton expérience? Comment on passe d'un public qui hésitant, un peu timide, je ne sais pas comment le définir, tu le définirais probablement mieux que moi, à se mettre dans une mécanique d'action. Alors déjà, pour moi, il est important de repréciser ma structure, c'est « ose rêver et réussir ». Et donc, dans le « oser », le « R », il est double. « Ose rêver et réussir ». Pourquoi ce nom ? Après, je réponds à ta question précisément. C'est que, pour moi, j'estime toujours que les gens ne rêvaient plus ou pas assez. Et quand les gens me disaient « c'est pas possible, on n'y arrivera pas, tu n'y arriveras pas », ça, je déteste ça. C'est pas possible de me dire « c'est pas possible ». C'est pas entendable. Fait. Et je réussis pas tout, c'est pas un souci. Voilà. Et donc, le nom de la société, déjà, c'était ça. Ose le rêver, et puis tu verras bien. Voilà. Et puis après, on va te donner les outils pour que tu réussisses. Bon, ça, c'est. En fait, pour moi, c'est la bienveillance. Je pense que ce qui caractérise mes interventions, c'est la bienveillance. C'est-à-dire qu'au dépôt des règles, au tout départ, dans mes non négociables et négociables, il y a le fait, dans ce qui est non négociable, donc même si des fois je prends une posture très solennelle et très dure, puis mon gabarit m'aide à ça, les gens s'attendent à ce que putain, il va nous sortir comme non négociable. Et là, je démarre par les négociables. Et puis, par contre, ça ne bouge pas. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, en quel cas, vous vous levez et vous partez. Dans mes non négociables, c'est. Vous avez le droit de ne pas savoir. Vous avez le droit de vous tromper. Et je vous demande de ne pas juger. Et à partir de là, si tu mets des ingrédients pour permettre de libérer la parole. Et que dès que quelqu'un parle, tu dois arbitrer. C'est que personne ne doit juger. Personne, tu ne dois pas sourire. Machin. Et d'ailleurs, que tu oses dire un truc, et si tu te plantes, eh bien personne t'en tient à rigueur. C'est ce que j'essaie de faire passer. Alors, je ne dis pas que ça ne se fait pas comme ça, mais c'est d'instaurer ça. Je ne sais pas si tu étais encore en formation à ce moment-là, mais il y a le fameux objet magique ou l'objet magique qui te permet de prendre la parole. Mon formateur Landry Richard, pour ne pas le nommer, en préparation mentale, qui à l'époque c'était Pompon, c'était une petite peluche de sa fille et son fils, le lapin. Tu vois. C'était ça, il continuait de ça, donc ça m'est resté. Pompon, c'est l'objet magique, quoi. Tu ne peux l'avoir, si tu ne peux parler que si tu l'as dans les mains. Donc si tu l'as pas, tu t'es. Et donc ça libère la parole. En fait, c'est ça qui m'a marqué. Et le fait que j'essaie d'amener ça, et j'essaie d'amener une autre chose, c'est sur mon côté un petit peu être mes non négociables, qui paraît très, très dur et exigeant. J'ai appris une chose qui m'a très perturbé dans la formation avec Denis Troche. C'est justement, moi j'étais élevé et éduqué comme ça, quand les gens parlent, t'écoutes. T'es silencieux, t'écoutes. Tu veux parler, tu lèves la main. Tu te lèves pas, ou tu demandes pour te lever. Pour les questions. Les premiers jours de formation, mais j'étais mal à l'aise. Ça se levait, ça allait servir un café, etc. Et en fait, j'étais tellement, je ne sais pas pourquoi, j'ai validé les règles. Puis après, on m'a dit, mais lui, tu les as validées, les règles. Ou en fait, il était induit que on était libre. Chacun pouvait, c'était dans les négociables, chacun pouvait se lever s'il y avait un besoin sans demander la permission. On n'a pas à se juger. Tu vois, on revient là-dessus. T'as soif, tu te lèves. Et puis, à un moment donné, si ça venait à déranger, quelqu'un manifeste et on renégocie les règles. Tu vois, c'est un cadre mouvant. C'est à un moment donné, tu permets, si ça gêne quelqu'un et qu'on n'arrive plus à s'en sortir, et ben on se réunit de nouveau et on fait. Et je me suis rendu compte que ce qui était gênant pour moi, mais même très gênant pour moi, au bout d'un moment, mes formateurs, parce qu'ils étaient toujours deux au moins, on était 10 ou 11, mais il y avait deux formateurs. Justement pour ça, quand il y a des gens qui n'étaient pas bien, il y a un formateur qui venait et qui essayait de voir. Parce qu'on était beaucoup sur le développement personnel. Et je me suis rendu compte, en fait, ça me gênait, mais ça perturbait rien en la qualité du truc, de la formation. Mais c'était juste moi qui avais des codes qui étaient les miens, mais qui n'étaient pas forcément les meilleurs du monde. Et il fallait juste que je comprenne, que les gens ne le faisaient pas pour me perturber, et que ça pouvait marcher comme ça, et me permettre d'essayer de fonctionner autrement. Et ça s'est très bien passé, et j'ai pas interprété le fait qu'ils se lèvent par manque de respect, c'est juste parce qu'il y avait besoin de se lever. Et j'essaie d'amener ça, en fait, c'est que dans les formations, même si c'est pas forcément simple à expliquer ou à faire vivre, c'est que ce qui est pour toi peut-être une certitude, ça l'est pas, en fait. Ça l'est pas pour tout le monde. Donc essayons de se convaincre que fonctionner comme ça est bien pour tout le monde, et puis laissons-nous essayer, en fait. Puis ça convient pas, bon, on négocie. Donc voilà, mais la chose la plus importante, c'est la bienveillance pour moi. C'est que les gens se sentent bien et pas jugés. Et pas jugés. Donc pour répondre à ta question, comment on amène les gens à oser, bah, c'est que si dès qu'ils tentent un truc, tu leur tombes dessus, ça ne marchera pas. Hein. Donc permettre le droit à l'erreur, le droit de se tromper, donc, ça me paraît essentiel. Non, je vais pas te lancer sur ce sujet-là, parce que le cadre bienveillant, et je pense que tu as répondu finalement, cette posture peut amener la créativité, peut amener l'initiative, qui peut amener la créativité, qui peut amener la liberté, qui peut amener la créativité. Il peut y avoir des comportements qui sortent du cadre, et en même temps, tu as parlé de cadre-mouvement, c'est-à-dire qu'après c'est renégociable, etc. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, ça fait tilt. Avec la fois où tu m'avais expliqué, et c'est peut-être grâce à toi, que lorsqu'il y a un cadre, alors tu ne l'avais pas dit dans ces termes-là, mais je pense que tu vas savoir de quoi je parle, vaut mieux que de temps en temps il y ait une personne qui sorte du cadre, parce que faut pas que le cadre il soit complètement rigide, Et c'est parfois ces personnes qui sortent du cadre qui permettent de voir un peu les choses sous un autre angle. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Mais je sais que c'est la première fois que ça m'est venu là. Et tu vois, je le sors maintenant et ça vient de me revenir. Et c'est peut-être pour ça que j'accepte maintenant énormément de... Alors, je dis pas que j'accepte tout, mais je le sens que dans ma posture, assez généralement, j'ai tendance à accepter beaucoup plus de choses que mes alter-ego sur des postes que j'occupe. Des fois, malgré moi, alors, je ne le devrais pas, parce que des fois, ça sort peut-être un peu trop du cadre, et des fois, il faut rediriger. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, mais ce n'est pas une question que je pose. Mmh. C'est pour te laisser la parole, je sais pas si ça te fait émerger, penser à quelque chose. Encore une fois, c'est la définition du cadre et la perception du cadre. Parce que quand on fixe un cadre, à quel moment tu sais qu'il est sorti, c'est pas si binaire que ça. C'est aussi un ressenti, c'est un contexte, c'est plein de choses. Mais je pense qu'avec l'expérience, en mûrissant, tu te décentres un petit peu. C'est qu'au départ, le fait de sortir du cadre, c'était ma perception. Est-ce que d'après moi, il sort du cadre ou pas ? Mais la chose qui, d'après moi, devient plus importante, c'est l'addition de ma perception et de celle du groupe. C'est qu'à un moment donné, si le groupe ne réagit pas quand l'autre sort du cadre, c'est soit que personne n'a compris finalement le cadre, quelqu'un, ça t'interroge quand même sur ta capacité. C'est très intéressant ce que tu entends. Ou soit c'est que finalement, tout le monde l'accepte. Auquel cas, ça pose un problème de légitimité ou de compréhension des cadres que tu avais définis, auquel cas, en termes de com, il faut que tu revoies un petit peu, de la compréhension du cadre, ou le fait que s'ils sortent et c'est la jeune personne, soit tu laisses filer parce que tu sens que c'est pas le moment, ou en vrai, il faut que tu te réinterroges quand même. C'est que finalement, c'est la jeune personne que les gens sortent du cadre. Et que finalement, ce cadre-là, ce fait-là, n'est pas si grave que ça. Mais il faut que tu interroges tes non-négociables. Dire, si je reprends un exemple concret, je ne transigerai pas sur des propos irrespectueux, même si ça ne gêne pas les autres. Moi, je ne peux pas. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas négociable du tout, du tout, du tout, du tout. Même si, souvent, je défends la position suivante, c'est qu'il y a, n'en déplaise à peut-être des puristes, ou des, je ne sais pas, mais... il y a des habitudes verbales, des cultures, etc. Bon, t'es trop jeune, mais Coluche, tu connais Coluche. Coluche, c'était enfoiré. À l'époque, enfoiré, ça perturbait un peu. Aujourd'hui, enfoiré, bon, on l'emploie quasiment plus. Mais voilà, dans le midi, il va un petit peu moins qu'avant, mais ça ponctuait très souvent les phrases par enculé. Enculé, vas-y, là, tu dis ça dans le Nord, tu dis, mais pourquoi tu m'insultes ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les habitudes verbales, je dis pas que c'est bien de dire ça. Je veux dire qu'à un moment donné, comprendre le sens des mots, c'est important, mais c'est pas tout le temps exprimé dans le sens de faire mal aux gens, en fait. C'est juste ça, c'est juste l'évolution, au bout d'un moment, que j'ai eue, c'est que des fois, ce qui me perturbait, n'était pas forcément quelque chose qui était fait pour manquer de respect aux autres. Mais c'est pas si binaire que ça, quoi. C'est qu'après, il faut ressentir un petit peu le truc. Même si je redis que l'idéal dans le dépôt des règles, c'est qu'elles soient explicites, les règles. Il faut les reformuler pour qu'elles soient explicites, sinon ça ne sert à rien. Tu fais plaisir pendant un quart d'heure en mettant des règles au tableau, mais si tu ne les appliques pas, ça ne sert à rien. Il faut que ça soit explicite. Et donc, faire reformuler, c'est trouver les mots qui soient compréhensibles de tous. Voilà. Mais c'est mouvant, hein. Encore une fois, les habitudes verbales d'une région à l'autre. Au Canada, il doit y avoir des... C'est-à-dire que si c'est des absences répétées, il faut que tout ça soit préparé. C'est que si tu dis, ouais, Thomas, t'arrives jamais à l'heure, et c'est la première fois qu'il est en retard. Il m'attend pourquoi j'arrive jamais à l'heure la première fois. Donc tu dois préparer, même si tu ne sais pas, tu me mets le retard, mais tu dois avoir des choses qui soient prêtes pour être suffisamment informé. Voilà. Mais le côté prévisible, il est important. C'est si tu as bien expliqué les règles, lorsque les gens les transgressent, la première chose qu'ils doivent. L'idéal, c'est que la personne elle-même se rende compte qu'elle transgresse les règles et qu'elle se corrige, quoi. qui se disent, bon, ok, d'accord. Et que le groupe intervienne. Mais si le joueur ne se corrige pas, ne sent pas qu'il a fait une erreur, que le groupe ne réagit pas, c'est soit que tu as mal expliqué, ou soit que finalement, ça pose question sur ta règle. Prévisible, progressif. Préparé. Préparé, hein, ok. Bon, j'avais pas enregistré, mais je sais pas comment je ferai au montage, mais ok. Évidemment, dans toute ton histoire, on a occulté énormément de choses. Hein. C'est pas l'idée, mais ça sera difficile en 1h45, 1h, 2h. On ne refait pas une histoire aussi longue que la tienne comme ça. Peace and Sport. Ouais. Que tu prononcerais probablement mieux que moi. C'est un projet dans lequel tu le décrirais mieux que moi, mais c'est un projet dans lequel ça fait quelques temps que tu es dedans. Mm-hmm. Et est-ce que peut-être il serait peut-être mieux que est-ce que tu pourrais le présenter bah, brièvement, parce que c'est il y a des questions sous-jacentes que je vais aborder, mais je pense que c'est quand même mieux que tu prennes la parole pour le présenter. Ouais. Alors Peace and Sport, c'est une ONG internationale, donc qui est basée à Monaco. Qui, comme son nom l'indique, promeut la paix par le sport à l'international depuis 2007, avec des champions de la paix qui sont plus d'une centaine à l'international, qui sont des sportifs de haut niveau en activité ou en retraite, qui interviennent sur des théâtres de guerre, dans des camps de réfugiés, dans des zones vulnérables, pour promouvoir la paix grâce à l'outil sport. Et en France, depuis 2016, on développe des ateliers sportifs, qui est un dispositif de préparation à l'emploi par le sport, d'employabilité par le sport. Donc comment utiliser les valeurs et les compétences que l'on arrive à acquérir par la pratique sportive et qui sont transversales au monde de l'emploi, au fait de trouver un emploi et de garder l'emploi, autour de toutes les compétences psychosociales, les compétences professionnelles, d'autonomie, de gestion des émotions, de communication, de respect de la hiérarchie, etc. etc. Et donc, nos ateliers sportifs à Peace and Sport en France, dont je suis responsable du développement et de la formation, chaque dispositif est parrainé aussi par un champion de la paix, qui vient. Alors, un champion de la paix, c'est... qui interviennent en France, c'est Emmanuel Rinordoki, ancien rugbyman, c'est... Marielle Arnois, la championne de taekwondo, qui est responsable des champions de la paix d'ailleurs. Ladji Doucouré, Muriel Urtis, Diana Landega, c'est Fode Ndao, vice-champion du monde de karaté, Tchad Sissé, champion olympique ivoirien de taekwondo. Voilà, c'est plein de champions. Sarah Ramoun, qui est près de chez toi. Voilà, c'est des champions comme ça qui viennent parrainer Benjamin Boupetti, kayakiste, qui viennent parrainer des actions et transmettre aux jeunes certaines valeurs, certaines anecdotes, dont l'essentiel met en exergue le fait qu'on ne vient pas au monde champion olympique, on ne vient pas au monde champion du monde, on le devient, et avant de le devenir, bah, on est tombé plusieurs fois, on a échoué plusieurs fois, et on a trouvé des moyens de se relever, ce qui est le parcours de tous. On est tombé, on s'est relevé. Voilà. Donc, Peace and Sport, c'est ça. Par où commencer ? C'est ça. Oui. Entre autres, j'imagine que c'est ça. Mais je veux dire que ça prendrait longtemps de développer le projet, de l'expliquer vraiment exhaustivement, j'imagine. Mmh. Mais c'est sûr que c'est mieux que ce soit toi qui le présente. Tu as parlé d'école de la vie pendant les 1h30 pour laquelle on vient d'échanger. Je sais évidemment pas comment poser la question pour qu'elle soit pertinente, mais je t'explique plutôt le contexte de ma réflexion et de voir toi ce que tu en penses par rapport à ça. Mm-hmm. T'as parlé d'insertion par le sport. Mm-hmm. On parle pas forcément de foot, on est bien d'accord. T'as parlé de champion. Ce qui est bien, c'est que moi, je suis avant tout un passionné de sport et accessoirement un passionné de foot après. Mm-hmm. Mon parcours STAPS m'a amené à ça, et c'est qu'à travers le sport, je porte beaucoup, enfin le poids que je porte sur le sport pour développer beaucoup de choses se rapproche un peu avec tout ce que tu viens de dire. Tu as parlé d'école de la vie sur ton parcours et je me demande si, justement, je ne sais pas quel regard tu as sur le système éducatif actuel, etc., mais j'ai quelques freins à justement ce que tout le poids qu'on a mis sur l'école, que doit développer, sur l'impact qu'elle doit avoir. Cette nouvelle façon d'aborder, on va dire, promouvoir la paix par le sport, l'éducation par le sport, là où il y a des messages qui passent plus dans le système éducatif, où il y a des, je sais, qui suis-je pour avoir ce discours-là, mais apparemment, il y a des jeunes, des enfants qui sont plus ou moins jeunes, qui n'entendent pas certains messages qu'on essaie de leur envoyer. Et en changeant de contexte, en changeant de structure, en changeant de messager, on arrive peut-être à faire passer mieux certains messages. Est-ce que tu penses que Peace & Sport, par sa structure, par son contexte, par l'utilisation du sport, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est juste différent? Est-ce que c'est juste un complément à l'éducation par les jeunes? Toi, elle est quoi ta posture par rapport à ce que je viens de dire? Est-ce que le but, c'est d'être un complément à l'éducation nationale? Et c'est d'adresser des messages différents à des jeunes qui n'arrivent plus à accrocher l'éducation? Je vais m'arrêter là. Mm-hmm. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je voulais passer un peu les bases, les fondements un peu de l'échange. Alors, avant Peace & Sport, dans mon club, l'USPON Sainte-Mathias, football, on a mis en place un projet « Chaque jeune à son plus haut », qui justement, c'est exactement ce que tu évoques là. C'est-à-dire, on s'est rendu compte, au début des années 2000, on a lancé les premières actions dans les écoles primaires, élémentaires. On s'est rendu compte. On a mis en exergue le fait que il y a des enseignants qui, quand ils venaient avec leur classe pour qu'on leur fasse foot, des enseignants qui découvraient des nouveaux comportements chez leurs élèves. Autrement dit, avec une autre personne que l'enseignant, le jeune se comportait différemment, et en l'occurrence, mieux. Et l'enseignant disait, mais c'est pas lui, c'est pas possible. Et en fait, on se rendait compte que l'enseignant changeait de regard sur le jeune, parce que l'enseignant se rendait compte que le jeune était capable, dans un autre contexte, de faire des choses qu'il ne faisait pas à l'école. Écouter, appliquer les règles, etc. Et justement, le jeune se rendant compte que son enseignant changeait de regard sur lui, changeait à son tour de regard sur l'enseignant et donc sur l'école. Et donc, ça, c'était assez vertueux. Et donc, on s'est dit au fur et à mesure, et au cours de la formation en 2012, 2013 à Denis Troche, est sorti ce projet, chacun à son plus haut. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, à quel moment, mais il ne faut pas se poser de questions, des fois c'est fluide, c'est le fameux flow dont on parle dans la préparation mentale. Est sorti ce projet qui consiste à non pas lutter contre quelque chose, la violence, contre ceci, mais lutter, promouvoir les bons comportements et lutter pour les bons comportements, et mettre en avant les bons comportements. Et donc en fait, l'idée c'est, le gamin, il est d'abord chez lui, il va à l'école, il va dans un club, pour certains, il va au centre de loisirs, il a une vie au milieu de tout ça. Et en fait, on a tous passé par là, on a tous un comportement différent, qu'on se soit à la maison, à l'école, etc. Et on a tous eu un comportement différent avec le prof qui nous laissait faire un peu plus, celui qui nous laissait faire un peu moins, etc. etc. Et nous, c'est pas binaire, quoi. C'est que des fois, on change de comportement. On se construit comme ça. Et l'idée, c'était de dire, il y a forcément un des endroits où le gamin se comporte correctement, où il fait preuve de bon comportement. Donc, si ça se passe pas bien là et ça se passe bien là, faisons en sorte que l'ensemble se parle. Donc, on a mis en place au départ un livret papier et puis maintenant une application numérique qui nous a donné le privilège de recevoir le trophée UNFP Peace & Sport en 2016. Et en fait, lorsqu'à la fin du trimestre, chaque acteur éducatif, donc l'enfant lui-même, les parents, l'enseignant, l'éducateur de foot ou autre sport, évalue le jeune sur des valeurs telles le respect, l'entraide ou autre. Eh bien, s'il y a un secteur où ça ne se passe pas bien, où ça manque de respect, eh bien, on s'appuie là où ça se passe bien pour accompagner les jeunes. Et bien, écoute, comment fais-tu pour être respectueux ici, mais pas là? Qu'est-ce qui se passe? Et on s'appuie sur des choses qui font de bien. Et en fait, ça met, pour aller dans ton sens de ton intervention, ton interpellation, c'est les enseignants, ils apprécient en règle générale le fait qu'on les aide. Ils apprécient le fait, ils valorisent le fait que le jeune n'est pas que le jeune de l'école, ils le savent, mais ils sont pris dans un tel mouvement avec les parents, avec les consignes, de, sans parler du Covid, mais des consignes de l'administration, les contraintes, le nombre d'enfants par classe, la difficulté, l'hétérogénéité de la classe, etc., etc., qui sont un peu perdus là-dessus. Mais moi, je reste convaincu que la coéducation, c'est primordial. C'est qu'à un moment donné, là où c'est pas... là où l'école, ça va pas forcément bien, eh bien, c'est l'éducateur du club de foot, du club de tennis, du club de je sais pas quoi, ou de bridge, qui va faire en sorte, qui va remonter, qui va valoriser les jeunes, qui va peut-être régler certaines problématiques, et que si tout le monde arrivait, et c'est le cœur de notre projet, qui, d'après moi, devrait être repris partout, sous cette forme ou une autre, mais l'idée, c'est qu'on puisse communiquer, et que cette coéducation... l'intégrer dans le parcours du jeune. Le jeune, c'est pas le jeune de l'école. Et je dis pas que les enseignants pensent ça, mais il faut organiser et considérer que l'éducateur de foot, si c'est un vrai éducateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a en lui le fait que, à travers le football, le tennis, le hand, etc., il construit un citoyen, et non pas le fait qu'il construise un champion du monde. Deux choses différentes. Et bien qu'il prenne sa part pour éduquer le jeune à des valeurs citoyennes, à des valeurs de respect, des valeurs éducatives, etc. etc. Et là, je ne dis pas que l'éducation nationale est défaillante, c'est très très compliqué d'être enseignant, mais je dis qu'il faut, comme on arrive à faire à notre modeste niveau local, faire en sorte de casser les barrières entre les différents secteurs éducatifs, que sont les associations en général, et l'école, à tout niveau, nous on a chance dans les écoles primaires, au collège, d'avoir des relations très bonnes avec les directions, qui font qu'on est en lien permanent, et le jeune, il est cadré, on sait ce qui se passe à l'école, ils savent ce qui se passe au foot, et c'est forcément vertueux, donc de valoriser la place de l'éducateur, avec un grand E, pour officiellement coéduquer les jeunes, je ne parle pas de l'instruction, l'école instruit aussi, enfin, surtout d'ailleurs de l'instruire. Mais voilà, ça doit être construit, mais ça doit aussi animer nos politiques publiques, voilà, sans rentrer dans des détails qui aussi m'échappent, mais que nos décideurs considèrent la valeur du sport, et pas que dans des déclarations un peu émotionnelles après une Coupe du Monde ou autre, où on dit le sport c'est génial, c'est fabuleux, etc. Et qu'après, on vienne des fois uniquement dire que le sport est un mode de garde. Donc, valoriser le sport. Mais encore une fois, ça voudrait dire qu'il faut que la formation des éducateurs soit peut-être adaptée pour qu'on puisse rentrer là-dedans. Mais voilà, moi, j'y crois fortement. Cette coéducation me paraît importante. Je vais oser. Soyons fous. Est-ce qu'il faut changer le contexte éducatif ? Alors, parce que tu as parlé de co-construction, et je crois, encore une fois, j'ai pas assez de recul, je suis trop jeune, bref, j'ai pas ni compétences ni la légitimité, mais permettons-nous un petit peu d'avoir cet échange. Enfin, si je peux me permettre de te poser la question, évidemment, tu n'es pas obligé d'y répondre, mais je veux dire, l'école, elle transmet énormément de choses, d'accord. Il y a des choses qu'on peut transmettre, notamment par le sport, et t'as parlé d'association, et là, il n'y a pas que le sport. T'as parlé de bridge, etc. Mmh. Et alors là, je ne mets pas le sport au-dessus de d'autres structures. Mais, par exemple, alors peut-être que je me trompe, mais dans une classe, on passe beaucoup de temps, notamment assis, à écouter. De façon, la pédagogie évolue, d'accord, participatif, inclusif, etc. Mais il s'avère que, notamment par le sport, le fait... Dans une école de la vie qui me parle, quand tu l'as mentionné, une école de la vie de rencontres, de mouvements, d'actions, de projets communs. Parfois, je me dis, le sport met en mouvement, et je me dis, à travers cette pédagogie un peu de projet, on met les ingrédients que tu as mentionné dans Peace and Sport. Est-ce qu'on peut changer un peu ? Est-ce qu'on pourrait imaginer la structure le système éducatif, donc la structure éducative nationale, je ne sais pas, un peu différemment. Je ne sais pas si je suis c'est perché de se poser la question. Non, c'est pas perché, il y a des enseignants qui le font. D'ailleurs, tu disais avant le début de l'interview là, que tu étais mieux debout parce que tu réfléchissais mieux en marchant. Mais toutes les études prouvent que l'activité physique, on ne parle pas de sport, l'activité physique, être mobile, bouger, était bonne pour la santé, c'est la première chose, mais aussi bonne pour le développement psychique, intellectuel, cérébral, les connexions neuronales, toute l'optimisation des neurotransmetteurs. Enfin, le mouvement est essentiel. Il y a des écoles qui expérimentent le fait de mettre des pédales sous les... Ils ont des mobiliers différents, ils ont des espèces de steps sous le truc, des vélos sous le... Il y a même des Américains qui ont fait une étude là qui montre, alors je n'aurai pas la vitesse précise, mais je crois que c'est... Ils mettent un tapis de marche sous un bureau et disent que une marche de 2-3 km/h ne déstabilise pas la vision et permet en même temps d'écrire, et que c'est bon pour la créativité, c'est bon pour tout ça. Forcément, on est en mouvement. Mais c'est évident que chacun puisse constater que très souvent, on a une idée particulière, des fois innovante, des fois super, des fois voilà. Souvent, pas forcément en étant assis, en cherchant. On se lève, on va boire un café, on va faire une photocopie, et puis tiens, on a un truc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est levé. Ben voilà, donc c'est de changer de posture, d'être... Et toutes les études le prouvent, donc après, il faut dépasser, mais je ne juge pas, je constate. Heureusement que l'éducation nationale ne change pas tous les quarts d'heure, même s'il y a des directives, des fois, qui changent, et qui varient et qui perturbent les enseignants. Mais il y aura à s'interroger, oui, sur le fait que ça soit peut-être pas si long pour faire passer des nouveautés et qu'on soit pas trop dans un carcan et qu'on innove. En tout cas, nous, au niveau local, on a la chance d'avoir des gens qui sont assez ouverts, qui vont pas jusque-là. Mais on a un de nos projets au niveau du club, alors sur mon autre association, l'association Sport, École, Loisirs et Vacances, la SELV, où justement, on met en place un projet expérimental qu'on a baptisé Vivre Ensemble en Bonne Santé. On va travailler sur les valeurs citoyennes et sur l'impact de l'activité physique sur leur santé globalement, leur capacité à apprendre, etc. Donc on va mener pendant un an, à raison d'une heure ou d'une heure et demie d'activité physique par jour, avec des orientations qu'on pourra donner aux enseignants sur comment, au-delà de nous, faire des choses. On va voir comment ça peut être perçu, comment ça peut se passer. Est-ce que ça vient impacter négativement la scolarité, ou au contraire positivement, ou est-ce que c'est neutre? Voilà, mais il y a des choses à faire. Mais il faut expérimenter, les choses vont très très vite. Mais après, entre enseigner au fin fond de la Creuse et au plein milieu de la Seine-Saint-Denis, c'est pas pareil. Donc c'est sûr que la grande maison éducation nationale doit aussi avoir un cadre commun. Et puis cette souplesse, mais qui n'est pas facile, hein. Moi je dis ça de ma fenêtre, hein, mais en tous les cas, ce qui est sûr, et j'en suis convaincu, et c'est des projets qu'on mène localement, et on essaie d'être un peu plus large, c'est que l'activité physique est bonne pour l'apprentissage. Ça fait du lien dans ma tête, et on a parlé de... promouvoir... Grâce à Pédicène Sport, grâce à ta posture, c'est aussi ce qui m'amène à vouloir échanger. C'est au-delà de notre rencontre, de l'histoire, de ton parcours, de plein des choses moi, qui m'inspirent. C'est aussi, surtout, ne pas lutter contre. Ça, j'aime beaucoup la posture. Et j'avoue que j'aspire à avoir cette même posture régulièrement, à promouvoir. Il y a une volonté de promouvoir certains comportements. Là, on parle de paix, mais je pense que ça s'étend à bien des mots. Mmh. Mais l'idée, c'est pas de lancer là-dedans, mais donc passer des messages différemment par le sport, d'accord. Et moi, j'ai envie de tenter justement dans cette même réflexion de profiter de ton expérience, de ton recul, de tes postures actuelles pour imaginer avec toi, si c'est possible évidemment une nouvelle fois, est-ce que tu as eu déjà une réflexion, est-ce que tu imagines un peu le foot de demain? Il est en mouvance, d'accord. Il est en mouvance depuis plusieurs années. Mais est-ce que la façon dont il est actuellement, est-ce que tu as déjà eu une réflexion pour te dire, je ne sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ou même plus loin? Parce que je pense comprendre que tu n'as pas peur de te projeter, bien que le présent soit extrêmement important. D'après toi, Luc, est-ce que je pourrais me permettre de te poser cette question? À quoi il pourrait ressembler le foot de demain? Le foot de demain. Le foot de demain doit se réinventer, pour moi. Et j'essaie, à mon modeste niveau d'élu dans l'Oise, de... Parce que le football, en France en tous les cas, pas prétention de parler de l'étranger, que je ne connais pas, ce qui se passe en France, c'est que le football fonctionne. C'est-à-dire que le football est habitué, parce que c'est un sport, une fédération riche, dans tous les sens du terme, riche en nombre de pratiquants par rapport aux fédérations, et puis financièrement, ce qui est lié, ne s'est jamais posé de questions. Et là, le football s'en pose parce que la crise sanitaire fait perdre des licenciés. Évidemment, tout le monde s'interroge maintenant, et comment on fait. Ah. Mais structurellement, le football n'est pas organisé pour développer, ou peu organisé pour développer. Et les clubs ne sont pas ou très peu aidés. Parfois, on considère que d'offrir des ballons et des subventions aide, oui. Mais aider dans ma manière de voir, c'est accompagner pour les rendre autonomes, c'est-à-dire les aider à se structurer, etc. Et ça, c'est pas dans le fonctionnement du football, pas dans l'ADN du football. J'ai la chance d'être élu dans le monde de l'UFOLEP. Dans le monde de l'UFOLEP, on est davantage sur l'humain, sur accompagner les gens, accompagner les structures, même si structurellement, ça ne veut pas dire qu'on va accompagner administrativement chacune structure. Transmettre des outils, transmettre. Voilà, c'est le football. Mais maintenant, le football doit se réinventer parce qu'il n'a pas le choix. Mais il faut qu'il se réorganise. Donc là, si ça ne se réorganise pas vite, on va aller vers un football qui va être l'élite. Ceux qui vont vouloir aller vers l'élite. Et puis du loisir, la Fédé développe des pratiques loisirs, parce qu'elle s'est rendue compte qu'entre 12 et 18 ans, on perdait 65% des licenciés. Moi j'ai envie de dire de manière un peu provocatrice, heureusement qu'on les perd, si on les mettrait où, je ne sais pas. On n'a déjà pas assez de terrain qu'on a déjà, donc si on gardait les 65% qu'on perdait, je sais pas, on les met, hein, mais bon, bref, admettons qu'on essaye. Donc d'autres pratiques, pourquoi pas, parce que ça, il y a des gens qui ont d'autres besoins. Quand je prends l'exemple du foot à l'école, on a 1000 enfants qui viennent. Sur les 1000 enfants, on a 65 qui jouent au foot dans un club. Il y aurait donc plus de 900 qui ne jouent pas au foot et qui ne sont pas venus avec un pistolet sur la tempe. Ils ont apprécié un minimum de jouer, donc ils aimeraient jouer peut-être de temps en temps, mais on ne leur permet pas. Donc ça, il y a ça à développer. Mais ça, il faut aider les clubs à l'organiser, à se structurer là-dessus. Une fois qu'on dit que la pratique loisir existe, ben, il faut aider les clubs à le faire. Alors il y a les subventions, la fédération a des subventions pour ça, l'État aussi, mais une fois que tu balances ça, il faut aider les clubs à s'en servir. C'est comme si tu me disais, bah pour faire un, pour monter un ballon d'eau chaude, bah je te donne une clé, un tournevis, puis tiens, je te les donne. Bah mais comment je m'en sers? Bah on te donne des subventions, et qu'est-ce que j'en fais? Subvention, c'est pas juste pour payer, c'est aussi pour préparer l'avenir. Mais comment je prépare l'avenir? Et ça, c'est pas organisé structurellement. Donc moi, je crains que selon la vitesse où le football s'organise, eh bien, on ait cet écart, ce fossé qui se creuse avec des dirigeants qui vont se démobiliser. Cela, déjà, on craint pour les licenciés, mais les licenciés, dedans, il y a les dirigeants, les bénévoles. Et je crains que les bénévoles, pour certains, se soient très écartés du football, parce que pendant un an et demi, ça a été un peu soft, le foot. Donc, je pense que le foot doit se réorganiser, mais investir beaucoup sur la structuration des clubs, en accompagnant les clubs, et à travers les clubs, les hommes et les femmes qui gèrent ces clubs-là. Pour faire en sorte que les villages, que les petites villes puissent quand même fonctionner. Parce que là, sinon, je prends l'exemple dans l'Oise, on avait à peu près 30 000 licenciés. Quand je suis arrivé et j'ai connu un petit peu les chiffres, il y a 10-15 ans, on avait à peu près 300 clubs. D'accord ? Là, on en a, hors Covid, juste avant le Covid, on avait à peu près 30 000 licenciés, on n'a plus que 200 clubs. On a autant de licenciés. Alors, entre-temps, la fédération, elle a mis, depuis 15-20 ans, il y a les U6 qui n'existaient pas, il y a les doubles licences, il y a les licences de ceci, de cela. Donc, des fois, tu peux avoir 3 licences. Hein, donc, tu comptes dans les 30 000. Hein, c'est aussi très bien joué. Mais il y a quand même la vérité, c'est sur des territoires, le football va disparaître. Et en même temps, on s'interroge sur l'impact sanitaire sur l'absence d'activité physique. Mais s'il n'y a plus de clubs dans les villages, il n'y a plus d'activité physique. Donc il y a urgence que la société, la collectivité, l'État prennent en main ça pour accompagner les clubs de tout sport, pour maintenir l'activité physique localement. Et pour le football, de faire en sorte que ça vive en créant peut-être des nouvelles entités sous forme de groupements aménagés, mais pour que ça vive localement. Les gens n'auront pas tout le temps la possibilité d'aller amener leurs enfants à 10 km ou 15 km, c'est pas possible. Ou alors on va creuser le fossé sur le niveau des pratiques, sur la santé publique, parce que moins d'activité, c'est des maladies de demain. On peut être malade en faisant de l'activité, mais bon, on les limite. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus d'individualisation dans le football, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des coachs personnels, de plus en plus. Ce qui existait dans le tennis, maintenant, devient très présent dans le foot. Des indépendants qui font des entraînements personnels, alors préparateurs physiques, préparateurs mentaux, ça existe, mais aussi des entraîneurs individuels maintenant qui vont faire des choses. Faut pas perdre le caractère projet commun, faut pas que ça devienne l'addition d'individus, quoi. Faut garder ça, c'est ça qui m'inquiète. Et je suis résolument positif, mais je trouve que la grande maison, pour l'instant, tarde à réagir quand même. La fédération tarde à réagir. Et donc, je crains que... J'espère que ça ne sera pas trop tard. Parce qu'il y a des gens qui se mobilisent vite, qui se découragent vite, à juste titre, hein, parce qu'ils ont du mal, en fait. Et accompagner les structures et les personnes me paraît essentiel. Donc, moi, je vois bien, comme je parlais de la coéducation, la cohabitation, la co-association, de manière à être ensemble pour faire vivre le foot, le hand, le basket, et d'arrêter de prêcher pour sa chapelle. On n'aura pas le choix, de toute façon, à un moment donné. Des fois, il faut des chocs pour faire réagir les gens. Est-ce que le Covid va en être un? Mais pour ça, j'ai pas d'idée précise, mais c'est dur de voir clair en ce moment. Des fois, pour voir clair devant, il faut se retourner et puis savoir ce qu'on fait de bien. On a fait de bien parce que comme on a su faire bien une fois, on saura mieux faire demain en prenant les mêmes ingrédients. Le problème, c'est que le foot n'a jamais accompagné. Donc, je ne sais pas s'ils arriveront à le faire. Voilà. Donc, j'ai pas de boule de cristal. C'est juste que pour moi, l'idée, ça serait d'accompagner au plus près les gens. Comment des gens qui souffrent socialement, individuellement, dans leur foyer, dans leur chair, etc., seraient en capacité de faire vivre positivement une structure? C'est pas possible. Ce sont les mêmes personnes. Donc, c'est comme si tu as un psy qui est censé t'aider à aller mieux et qui n'allait pas bien lui, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc comment une personne qui gère un club qui est pas bien déjà, elle, va pouvoir bien faire dans son club? Il faut accompagner les gens. Et après voilà, c'est aux politiques locales de prendre en main les choses. Je me permets cette réflexion, et peut-être que toi, avec on approche de la dernière, évidemment, dernière question. C'est pourquoi j'ai cette réflexion là. C'est que évidemment, ça me parle énormément. Le foot, d'accord, mais le sport en général. Pas l'idée de promouvoir ma paroisse, évidemment, celle du sport, mais c'est pour rester dans la fil directeur de notre discussion. J'aime bien le fait de ne pas lutter contre. Et j'ai été un grand amateur de jeux vidéo. Et ce que j'observe notamment, c'est que les jeunes jouent un petit peu plus aux jeux vidéo qu'avant. Bah, certainement parce qu'il y en a plus, certainement parce que c'est démocratisé, parce que c'est plus accessible, parce que c'est simple, parce que c'est probablement, je l'observe aussi, extrêmement interactif, tellement agréable. Ce que je vois en tout cas, c'est que une compétition de jeux vidéo attire de plus en plus de spectateurs, attire de plus en plus de sponsors, de lobbies, et un récent vainqueur de jeux vidéo de champion du monde est capable maintenant d'obtenir des sommes assez démentielles. Et c'est pas vraiment une question, mais là où je veux en venir, et je serais curieux de savoir ce que tu en penses, parce que toi, avec encore plus de recul, et peut-être que tu continues de côtoyer les enfants, etc., c'est les pratiquants, les jeunes, ben, s'ils pratiquent un peu moins de sport, un peu moins de foot, je me dis, il n'y a peut-être pas forcément de chance que dans 20 ans, ils le pratiquent. Mais le fait de jouer aux jeux vidéo, ben, peut-être que ça va s'alimenter. Et il y a une part de moi qui pense être convaincu que le divertissement va continuer d'exister. Il y a eu un énorme divertissement par le foot. Et maintenant, le jeu vidéo attire des stades. Dans des stades, on voit des spectateurs. Et puis, c'est un divertissement comme un autre qui attire énormément de... Et je sais pas comment poser la question exactement, mais pour continuer à promouvoir le sport, notamment par les bienfaits sur la sociaux, physique, etc., je sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a une lutte contre les jeux vidéo? Est-ce que le jeu vidéo, tout ce que ça impacte, va remplacer le foot d'aujourd'hui? Je ne sais pas si tu as eu une réflexion à ton niveau par rapport à ça. Non, oui et non. De toute façon, les jeux vidéo sont là. À moins de couper le Wi-Fi, mais ça va râler. Mais les jeux vidéo sont là. Après, le problème, c'est pas, encore une fois, lutter contre le jeu vidéo. C'est de faire en sorte que, moi, mon fils, il joue beaucoup. Mais quand il a foot, il est au foot. Parce qu'il aime le foot. Donc, plus on va avoir de divertissement annexe, plus qu'annexe, moins ils joueront aux jeux vidéo. Enfin, le fait, c'est pas de jouer aux vidéos. Le fait, c'est pas de manger sucré. Le fait, c'est pas ça le problème, c'est la dose, c'est l'abus de jeux vidéo, c'est l'abus de sucre, c'est l'abus de plein de choses. Ça se transforme en addiction, le problème il est là. C'est pas de jouer aux vidéos. Des fois, les gens ils disent mais mon fils ou ma fille, elle est pas motivée. Par contre, pour jouer aux jeux vidéo, elle est motivée. Ben oui, mais elle est pas motivée pour faire ce que toi tu voudrais qu'elle fasse. Mais elle sait être motivée pour jouer aux jeux vidéo. Donc le problème, c'est pas qu'elle soit motivée aux jeux vidéo, c'est qu'elle trouve pas de motivation ailleurs. Donc, trouvons une motivation ailleurs et tu verras qu'elle divisera sa motivation. Donc, à l'école, plus tôt on mettra de l'activité physique, plus tôt les jeunes vont trouver de l'intérêt à faire l'activité. Je parle bien d'activité physique, pas de sport. Puis de sport, adapté au niveau de chacun pour qu'ils trouvent du plaisir, parce que c'est physiologique. On sait bien que l'endorphine est créée lorsqu'on fait l'activité physique, et c'est l'hormone du bonheur. Donc c'est physiologique, je n'invente pas. Bon, et c'est du lien social, le fait de pratiquer de l'activité physique en groupe, etc., c'est du lien social. Et on va y trouver un intérêt. Et plus on aura ça, plus on aura cette habitude de faire l'activité physique ou du sport, et moins ils seront sur les jeux vidéo. Maintenant, s'il n'y a pas d'habitude sportive ou de loisirs jeunes, ou de lecture, ou de je ne sais trop quoi, etc., etc., plus ils vont être sur ce qu'ils savent seulement faire, hein, ou ce qu'ils n'arrivent simplement à faire. Je pense que ça passe par... c'est pas le bon terme, mais c'est les habitudes, quoi. C'est habitué à faire, tu fais. Et puis, tu sais pas forcément que tu vas aimer, mais si tu tentes pas, tu sais pas, donc... goûtons à plusieurs choses, et puis du coup, on va aimer plusieurs choses, et on fera plusieurs choses. Et ils seront motivés à plusieurs choses. Mais les vendeurs de jeux vidéo se sont rapprochés de psy, de grands scientifiques pour savoir comment attirer l'attention des gens. Et bien, au monde du sport, de trouver les ingrédients pour s'ouvrir et puis attirer les jeunes sur d'autres pratiques, sur d'autres manières de faire, pour attirer les jeunes à ce qui est... ce qui soit une activité meilleure pour la santé. Parce que le problème, il est là, en fait. C'est pas... Parce que sinon, jamais on va dire à quelqu'un « tu lis trop ». Celui qui va lire autant que celui qui joue aux jeux vidéo, est-ce qu'on lui dit « tu lis trop » Parce qu'on pense que le jeu vidéo est nocif. Parce qu'on sait que la lumière et puis l'interaction, puis selon à quoi tu joues aussi. Parce que si tu joues au solitaire, à la télé, aux jeux vidéo, c'est moins agressif que si tu joues à... Je ne sais plus l'autre jeu de guerre, là. Évidemment, mais après, c'est toute une histoire de si tu n'as que ça, tu vas boire ça. Si tu as plusieurs choix, tu vas diluer et puis faire en sorte que chacun des choix soit attrayant. Mais ça me renforce dans l'idée qu'il faut, il faudrait qu'à l'école, il y ait souvent de l'activité physique, de l'EPS. Alors, dans le programme, il y a EPS, il y a maths. Il y a français. Le jour où les inspecteurs d'éducation nationale qui viendront contrôler les enseignants seront capables d'être aussi attentifs sur la capacité de l'enseignant à suivre le cycle PS autant que le cycle de maths, on aura franchi un cap, parce que rarement un enseignant est un peu. Se faire monter les bretelles s'il n'a pas fait EPS. Par contre, s'il n'a pas fait les maths, ça par contre. Mais c'est la perception de l'EPS, c'est tout. Et c'est très. Ils ont une formation minimale là-dessus, après, ça dépend trop de l'enseignant. J'ai envie, j'ai pas envie. Je sais faire ou je sais pas faire. S'il y a des enseignants que je croise qui ont envie de faire, mais ils ne savent pas faire. C'est voilà. Ou ils n'ont pas les moyens de faire. À eux de leur montrer qu'on peut n'importe où faire de l'activité physique. Mais il faut que ça soit une cause, qu'on défende. Là, ils ont. Le comité olympique a sorti avec le ministère 30 minutes d'activité physique par jour. Ah, ça a fait le buzz pendant une semaine à la télé avec le ministre qui faisait youpi là. Mais là, je te défie d'aller voir dans les étoiles. C'est retombé. Pas besoin. Je pose la question à ma nièce. Je le sais. J'ai la réponse. Mais c'est retombé. Ça dépend trop des enseignants. Or, ça dépend pas des enseignants de faire maths. Ils sont obligés de faire maths. Parce que sinon, ils le font pas. Ça va pas. Donc, il faut bien considérer que... L'EPS est aussi bonne pour la santé ou pour le développement de l'enfant que les maths, que le français. Je ne dis pas qu'il faut faire moins de maths, mais il faut faire ce qu'il faut en EPS. Et là, on aura, in fine, les habitudes en lien avec les associations. Tu fais rencontrer les associations dans les écoles et tu auras, à 14-15 ans, un peu moins de jeunes qui seront plantés. Derrière, c'est quoi ? C'est de l'obésité. C'est l'hypertension, c'est du diabète, c'est des maladies cardiovasculaires à terme, c'est de la dépense publique, de la santé publique défaillante. Donc pour moi, un bon responsable, il doit voir l'avenir, et l'avenir, c'est là, vu comme c'est parti, on va dépenser beaucoup d'argent à soigner les malades. Donc dépensons un petit peu moins à mettre des enseignants dans les étoiles qui font du sport. Prévenir, prévenir, prévenir. Ceci dit, je ne me présente pas en 2022. Non, mais j'avais pas prévu de poser la question, mais c'est vrai qu'au regard de 2 heures d'échange, maintenant, j'étais curieux de savoir ta position par rapport à ça. En général, je finis les épisodes avec 3 questions. Et y avait le foot de demain auquel tu as répondu. Les 2 autres, c'était quels sont tes conseils pour la progression ? J'ai déjà posé la question et puis je pense que l'épisode en a dit bien long sur la façon dont tu t'y prenais, inconsciente ou inconsciente. Et le troisième, c'était est-ce qu'il y avait eu des mentors ? En général, j'aime bien demander est-ce qu'il y a eu des mentors sur ton parcours ? Quels impacts ils ont eu sur toi ? J'ai eu l'impression un peu que tu as répondu, donc je ne voudrais pas reposer la question, mais si j'ai occulté quelque chose, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est un sujet qui pourrait t'intéresser de... M'intéresser surtout si toutefois des personnes l'entendent, enfin beaucoup de personnes entendent le podcast et que ces personnes-là l'entendent se sentent reconnues et valorisées. Et Christian Loquet, qui a été déclencheur, je l'ai dit au tout départ, Dominique Delattre, qui m'a amené cette rigueur, cette organisation, cette capacité structurée, cette manière de travailler dans un milieu. Entre guillemets particulier, en se protégeant, en sachant prendre des décisions, etc. Après, Denis Troche, incontestablement. Et puis là récemment, Ralph Hippolyte, qui amène autre chose, mais dont je pense, je n'ai pas la. Pour l'instant, je n'ai pas la. Je n'ai pas encore... Tu veux répondre ou... Non, mais ça va être certainement une pompe à chaleur qu'il faut acheter. Sur le contenu de la formation de Raphaël Polite et Wan Nguyen, j'ai pas encore totalement tout digéré qui me permette de pouvoir valider et mettre en place grandement ce qu'ils nous ont transmis. J'en utilise une partie, mais j'ai acquis la conviction que... C'est quand on ne cherche pas, des fois qu'on trouve. Donc je bosse, je travaille, et sans chercher, à un moment donné, je vais trouver qu'il y a quelque chose qui va se passer, comme ça s'est fait avec Denis sur sa formation. Donc les mentors, ouais, ce sont ceux-là. Après, mes principaux mentors, c'est mes parents. Hein. Voilà, après, je ne serais pas là sans eux déjà. Mais après, dans ma carrière professionnelle, oui, ce sont ces personnes-là qui m'ont inspiré. On a tous, si on interroge chacun d'entre nous, on a tous des gens qui nous, qu'on retient, notre premier éducateur. C'est ce que je dis aux éducateurs quand je fais des formations. Je fais beaucoup de formations auprès des services civiques, par exemple, et je leur fais prendre conscience qu'ils ont un rôle super important. C'est qu'on se souvient tous de notre éducateur, notre premier éducateur, parce qu'on est c'est notre grand frère, c'est notre référent, c'est notre modèle. On rentre à la maison, on dit « Ah, Thomas, il m'a fait ça, Thomas, il a fait ça, Thomas, il a dit ça, etc. » Et du coup, ça nous amène à faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, quoi. Et donc, on a été influencé et on s'est construit à partir de ça. Donc, toutes ces personnes m'ont construit, ça, c'est sûr. Et après, bah, je me suis construit à travers ça. Mais il y a certainement... parce que tu as le fait dans un autre domaine, notre conseiller technique départemental. Et du coup, on se surprend à voir des tics verbaux, des expressions des uns et des autres qu'on a repris, parce qu'on a été influencé tellement par... je pense que dans le podcast, là, j'ai dû utiliser 20 fois Denis Troche, par exemple, parce qu'il m'a marqué, et il me marque toujours. Et que dans mes interventions au cours de formation, j'utilise beaucoup ces outils, avec l'honnêteté intellectuelle de dire que ce sont ces outils. Parce que ce sont ces outils. Je ne les ai pas créés, je les utilise à ma manière. Donc voilà, sur un certain moment, le... Top. En tout cas, j'ai écouté un podcast avec Denis Troche et je l'avais trouvé bluffant. Très bien. Eh bien, moi, j'ai terminé les questions, Luc. Comme d'habitude, ça aurait pu faire plus long, mais ce n'est pas l'idée. Je trouve que t'as déjà été très généreux en termes de temps. Merci beaucoup. Merci à toi. Le podcast, il a aussi une vocation d'éventuellement de faire passer des messages. C'est libre, c'est gratuit, ça s'écoute partout. Il y a, dans mon esprit, il y a éventuellement des éducateurs qui pourraient l'écouter, ou des jeunes footballeurs suite à ton parcours ou pas. Mais bref, moi j'ai terminé, j'ai plus de questions. Si jamais tu avais un truc que j'ai oublié de partager, une question que j'ai oublié de poser, ou je sais pas, un dernier truc pour clôturer l'épisode, qui n'est pas du tout obligé, je te laisse libre la parole. Non, mais pour résumer, encore une fois, merci de ton passage, il fait plaisir. Remettre une nouvelle fois à l'honneur les éducateurs en rappelant, modestement, que lorsqu'on est éducateur, on ne s'appartient plus, on devient un personnage public, on est une référence de quelqu'un, on est un repère de quelqu'un, et souvent d'un gamin. Et de bien maîtriser ça, et donc du coup de faire attention de ne pas vouloir transposer quelque chose malhabilement auprès des enfants, et vraiment considérer qu'on a un rôle super important. Et voilà, qu'on est un personnage public et qu'on est copié, et vraiment d'avoir ça en tête, et encore une fois de ne pas vouloir... en faire des champions du monde à 11 ans, et de penser à cette coéducation, et penser à que c'est un enfant et non pas un adulte en miniature, et qu'il faut avoir du temps, et qu'un éducateur n'est pas jugé sur des résultats, mais sur sa capacité à accompagner un enfant et de le voir à 20 ans épanoui. C'est ça pour moi un éducateur. C'est pas ceux qui sont super contents d'être champions de la Coupe Canterbro ou Clermont-Bourg, ben c'est génial, mais d'autres pensent autrement, et c'est bien que d'autres pensent autrement, mais en tous les cas, c'est la vision que je défends de l'éducateur avec un grand E. C'est accompagner les enfants à bien grandir, à ne pas chercher à aller trop vite, et puis à bien penser qu'on est un référent, qu'on est un repère, et que je pense vraiment ça, on ne s'appartient plus, c'est peut-être... T'es extrême, mais on devient... Voilà, si tu travailles, tu rentres chez toi, tu référentes personne, bon voilà, t'impactes personne. T'as des enfants, déjà, t'influences tes enfants, inévitablement. Bah, quand t'es observé dans le groupe, t'influences les gens. Donc, essayez de ne pas... Et c'est le propre de l'enseignant. Hein. L'enseignant doit permettre à l'autre de se construire. Il n'a pas donné son avis à un enseignant. Un éducateur, c'est pareil. Il doit donner des clés, et voilà, et ça, rappeler ça modestement, si ça peut faire changer un ou deux, on aura la ligne à la journée. Top, c'est bon, merci. Merci Thomas. On peut valider là-dessus. Le 25e épisode est terminé. J'espère que vous avez pu vous régaler une nouvelle fois. La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que les prochains épisodes ont déjà été enregistrés. Je suis déjà sur les montages et autant vous dire que normalement, je devrais pouvoir accélérer le rythme du partage. Ça, c'est la bonne nouvelle quand je décide de m'installer un peu à un endroit pour profiter de la ville, faire des rencontres et organiser un peu mieux mon planning. Et grâce à ça, c'est le podcast que je fais vivre un peu plus souvent. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à me partager vos histoires, vos anecdotes. Et si vous avez des personnes à me soumettre, n'hésitez pas. Prenez soin de vous. À très bientôt.